Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Nobody leave this place without singing the blues. Elle est fâchée. I always just envisioned the right one being someone I could see myself growing old with. Tu veux ma photo, banane? Il est méchant, monsieur Brochant. Il est mignon, monsieur Pignon. Yippee-ki-yay, pauvre con. You ever get the feeling that everything in America is completely fucked up? Buenos dias. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? Peu, il sera retenu contre toi un coup, puis un tabarnak. Ok, circulez. Get away from her, you bitch! You see, we're on a mission from God. J'ai connu une fille autrefois qui habitait dans Garden Street. Il y a longtemps maintenant. Philippe! Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en run, Philippe? Avez-vous décidé de me tuer? Après vous avoir sauvé la vie? Non. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. It was beauty killed the beast. C'est le party! Hey! C'est le party, on est juste deux, une bière avec un, on n'est pas sous. Tu parles d'un party de vieux jeux de 40 ans si, qui ne savent plus quoi faire. Bienvenue à l'épisode 51 du Bras de fer des films. Comment ça va tout le monde? Moi, c'est Jean-François Tremblay, votre animateur de toujours. Et mon collègue de toujours et notre co-animateur, c'est Steven Lefrançois. Salut Steven. Pourquoi je parle avec cette voix-là? J'en ai aucune idée. Aucune idée, Jeff. Je sais pas. Peut-être que ta bière fait trop effet. C'est-tu de la 13%? C'est de la... Premièrement, c'est une Waterloo Original Dark de la compagnie ontarienne parce que je vis en Ontario. C'est une... Vite de même, je vais essayer de le trouver. 5%. Cool. Mais moi, c'est une Saint-Ambroise rousse. Et maintenant, on fait de la pub pour la bière, parce que c'est cool, on est commandité par ces deux compagnies-là, fait qu'ils nous fournissent de l'alcool gratuitement. ça serait hot. Hey, ça serait-tu le fun, hein? Mais ça fit très mieux avec genre le podcast 3 bières qu'avec le nôtre. Mais quoi qu'on en voit pas mal quand même d'un show. Non, c'est ça que je me disais. Surtout sur Horror Gamer, là, je pense qu'on pourrait facilement faire de la promo. Là. Oui. Ah, puis on a... Vu que tu en parles, on a un épisode d'Horreur Gamer qui s'en vient bientôt. Prévu, en tout cas, on va voir là, comment ça va aller avec la gang, mais c'est tout le temps un petit peu plus compliqué. Mais... Oh ouais, moi, je donne jamais de date ou je ne certifie rien. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Bon. Prévu dans peu de temps. Peu de temps, exactement. Ça se compte en quelques jours. Là. Sinon, comment vas-tu, JF? Es-tu en pleine forme? Es-tu motivé à faire ce time-out? Oui, ça va bien, oui. Oui. T'es pas obligé de suivre là. Mes niaiseries, gars. Tu me connais là. Oui, mon pote, quoi. Oui, ça va bien, oui. Oui, ben je vais essayer de pas te bailler d'en face comme la dernière fois cette fois-là. Parce que j'ai bu du café, fait que je dois être correct. C'est peut-être pour ça que je suis un petit peu énervé. Ça me déçoit un petit peu, c'était tellement mémorable. À chaque fois que tu baillais, là, c'était. Ah oh, non, mais sérieusement là. Jim qui essaie de pas bailler, mais ça marche pas. Toi, comment ça va? Ça va très bien. Avec ton gilet Chuck Norris? Ouais, mon super gilet Chuck Norris que je ne mets pas assez souvent. Là. Je l'avais négligé un petit peu, pauvre Chuck. C'est sans doute qu'il m'aurait dit « Continue comme ça, je vais mettre ta bite dans un Tupperware. » Non, je suis super content. Comme j'avais mis une vidéo que tu as pu voir sur mon... sur mon cadeau de Noël que j'ai eu en avance, vu que ma copine m'a abonné pour Horror Block. Puis, oui. Non, c'était vraiment le fun. Puis je suis déjà impatient de faire d'autres vidéos puis de découvrir la vraie première boîte. Là. Puis si vous ne l'avez pas vu, mesdames et messieurs, allez voir sur notre chaîne YouTube. Il est juste là, c'est celui avant celui-ci. Oui, ça dure juste un petit 4 minutes, puis c'est vraiment le fun. Puis ça l'a motivé David Michaud. Il est allé s'inscrire tout de suite après l'avoir écouté. Il est maudit, tu m'as donné envie d'en avoir un, parce que moi aussi, j'étais un enfant dans un corps d'adulte, parce que tu m'as fait un grand compliment, JF. Tu as dit que. Un grand enfant. Un grand enfant, oui. Oui, c'est un compliment. C'est un compliment, je le prends. C'est important de garder son cœur d'enfant. Oui, c'est quoi le film là, que les adultes gardent pas leur cœur d'enfant, puis à la fin, ils finissent par leur. Putain, un pan, qu'est-ce que je dis là? Ouais. C'est tellement facile en plus, là, je suis là. Mais ta boîte, c'est quoi, 19-20 $ par mois, je pense? Je ne peux pas te révéler le prix de ton cadeau, là, mais c'est, je pense que c'est ça. Je veux savoir le prix de le cadeau que tu me fais, c'est combien pour l'abonnement? Ben là! Ah. OK, non, ben là, monsieur! Allez voir sur le site. Je veux pas que tu vois comment je suis cheap et dans le fond, ça m'a rien coûté. Non, c'est pas. Hey, en plus de tes billets de show, tu dis ça, t'as eu tes Ben oui, j'ai eu des billets de show. Je suis bien content. J'ai pris une photo avec les billets de show. Là. C'est beau. C'est quoi le show pour ceux qui l'ont pas vu? C'est 200$. C'est un show, show de métal, évidemment, plus rock parce que le groupe est plus rendu dans le rock progressif maintenant. Mais c'est Between the Buried and Me, c'est mon groupe favori. Puis c'est. Oui, c'est la première fois que je vais les voir en live de ma vie, alors que c'est mon groupe préféré. Je trouve ça un petit peu stupide, mais gars, je suis vraiment content. C'est un beau cadeau que ma copine m'a fait. En profiter pour saluer aussi Luigi et David qui sont avec nous autres ce soir. Cool, salut! Est-ce que tu as accès au chat? Ah, c'est con, même le chat, ça fait juste chargement. Il va vraiment falloir que je règle ça. Oui, parce que Steven a de la misère avec son... Son YouTube. YouTube par mon Mac. Je ne sais pas si c'est Safari ou... j'ai aucune idée, là, mais là, ça m'écoeure. Mais bon, Jeff, tu vas t'occuper de ça ce soir. Ouais, OK, pas de problème. Faut pas que je tape pendant que mon micro est ouvert. Faut l'air trop sérieux, comme si c'était une grosse job. Ouais, OK, je m'en occupe, là. T'en fais pas, Steven, c'est beau. Ouais. Yeah! Mais non, c'est ça. qu'est-ce que je veux dire aussi? Mais ouais, ben c'est ça. C'est, Luigi fait dire que très cool la petite voiture de Ghostbuster. Puis je seconde ça aussi. C'est vraiment très cool. Ouais, j'étais vraiment content. Surtout quand ma copine m'a dit que c'était juste une petite boîte pour faire patienter. Je m'attendais à ce qu'il. Mais il y a quand même pas mal de stock dedans. Non, il y a quand même une couple d'affaires de fun. Surtout le. Je sais pas comment appeler ça. On va dire le bracelet puzzle qui sert à rien, qui n'a pas de fin, là, que je pourrais jouer avec. Il n'y a pas de désordre. T'as-tu réussi à faire des formes intéressantes avec? Non, pas grand-chose à date. Qu'est-ce que tu mets là devant la caméra? Ah d'accord, là? C'est le prix. C'est le prix du Horror Block. OK, t'es gentil. 16,99 par mois. Ah, OK. Mm-hmm. Cool. Ouais, je l'avais vu sur le site. Le shipping, tout ça, ben, pourquoi tu le demandes? C'était 165 Je le demandais pour confirmer, j'étais pas sûr. Okay. Pour ceux que ça intéresse. Ça se Hey, on est en plein mode improvisation, puis là, ça part dans tous les sens, mon cher Jeff. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait un time-out, c'est ça, l'affaire. Ouais, c'est ça. Ben, c'est cool, j'avais comme bousculé l'horaire, puis on n'était pas supposé en faire un, puis finalement, on en fait un, puis c'est le fun. Ouais, je suis vraiment content. Mais j'espère qu'on a des trucs intéressants à discuter ce soir. Ouais, mais je veux juste rassurer aussi. Ben, rassurer, je ne sais pas à quel point c'est attendu, mais notre prochain épisode science-fiction, c'est dans 2 jours qu'on l'enregistre. Fait que cette semaine, il va y avoir 2 épisodes. Celui-ci, puis un épisode régulier. Ouais, yeah. On est en feu derrière moi, puis JF nous a rajouté plus de jobs, fait qu'on est encore plus en feu que d'habitude. Oui. C'est vraiment, non, mais honnêtement, je suis vraiment content, j'aime le concept, puis j'ai déjà hâte de faire l'épisode sur le show live, là. J'espère que ça va être un désastre, juste pour que ça soit un épisode mémorable. Disant pas trop, on l'a pas dit encore, c'était quoi, je pense. Oui, on tu l'avais mentionné dans d'autres. On l'a dit. Ah oui, dans Miss Granny. T'avais tout expliqué ça. OK, super, d'abord. Tu vois, j'ai aucune mémoire. Ouais. OK. Qu'est-ce que... Ah oui, tu voulais qu'on commence l'épisode. C'est vrai, on fait un épisode. Hein? Ouais, on fait un épisode. On n'est pas juste là en train de discuter sur Skype, là. Aïe, aïe, aïe. Ben, gars, je vais commencer par quelque chose. Je vais savoir au moins si tu l'as vu. Si tu l'as pas vu, ben, je vais l'éviter. Est-ce que tu as écouté l'épisode 3 de Ash vs. Evil Dead? Oui. Yep. J'ai commencé l'épisode, puis tu sais... Je disais à ma blonde, après 10 minutes, je disais à ma blonde, je suis pas encore sûr de triper tant que ça sur la série. Après 10 minutes d'épisode, là, je mm-hmm. répète. J'étais pas vraiment sûr de triper, puis j'ai de la misère à accepter ce vieux Ash-là, tu sais, qui est comme un petit peu différent des Ash des films, parce qu'il est comme plus bavard, plus... Je sais pas, j'ai de la misère un peu. Puis finalement, quand j'ai vu le démon de l'épisode, j'ai fait « OK, je retire tout ce que j'ai dit, c'est vraiment cool. » En fait, je trouve que là, avec cet épisode-là, la série se met un peu plus en place. Les 2 premiers épisodes, t'avais beaucoup de fanservice, beaucoup de gore. Là, il n'y a pas une goutte de sang et pourtant, l'épisode est aussi bon que les 2 premiers, sinon plus, parce que je trouve qu'on a le temps de connaître un peu plus les personnages sans que ça soit du gros développement, parce qu'on le sait, une demi-heure, c'est pas suffisant. Non. Mais tu sais, je trouvais qu'il y avait un thème important dans cet épisode-là, et c'est est-ce qu'il y a vraiment de l'intérêt à ce que Ash ait des partenaires et est-ce qu'ils forment une équipe? Est-ce que ça. Même lui, au début, il met ça en doute, puis il veut peut-être rompre leur petite équipe, le fun, puis s'en aller tout seul comme un loup solitaire, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, le loup solitaire. Un lone wolf, puis elle dit c'est Alone Wolf. Et je sais. Fait que j'ai vraiment aimé ça, la manière que l'épisode est construit. Je trouve que c'est lui qui est le plus intéressant au niveau du scénario. J'aime beaucoup aussi que ça s'enlignait. Encore une fois, la policière noire, on n'en sait pas forcément plus. Je me demande à quoi qu'elle va servir au bout du compte. Mm-hmm. Par contre, on a vu un autre personnage full badass, vraiment. L'épisode commence avec elle qui s'en va sur la ferme. C'est Lucy Lawless, comme je disais au début, c'est elle que j'ai le plus hâte de voir parce qu'elle va kicker des culs, c'est sûr. Ouais, j'ai hâte de la voir un peu plus parce que juste dans l'intro de l'épisode, je trouvais qu'elle était déjà badass. Là. C'est comme elle sort littéralement un démon du sol. Là, puis oh shit! Elle commence à taper un peu sa fourchette là, pour l'écœurer. Mais je trouvais ça étrange. J'étais comme un démon, ça peut souffrir, mais est-ce que ça l'aime pas la douleur ou. Tu sais, ça me faisait douter, ce passage-là, tu ne trouvais pas? Oui, je me suis posé la question, mais tu sais, bon, on va accepter, là. Parce qu'à maintenant, ils ont des règles tellement différentes dans cette série-là. Oui, non, je sais, parce que tu sais, on a l'habitude de voir, surtout, je me base un peu sur le remake de Evil Dead, mais tu sais, le démon s'amuse à s'auto-mutiler, il se coupe la langue en deux, ces choses-là. Là, il y a la fille qui s'amuse à niaiser avec la fourchette dans l'œil, puis ça semble lui faire mal, mais... C'est ambigu. Sur le coup, j'étais pas certain, mais au fur et à mesure, je me disais, la série apporte des nouvelles choses, des nouvelles règles. Fait que je pense que je vais juste y aller avec ça. Tu sais, déjà, le nouveau démon qu'on découvre dans cet épisode-là, c'est pas quelque chose qu'on a vu vraiment dans l'univers d'Evil Dead. Puis ça nous fait comprendre que dans le livre, dans le Necronomicon, il y a plusieurs types de démons. Puis je pense que c'est là que la série va aller. C'est peut-être pas à chaque épisode, mais régulièrement, il va y avoir des nouveaux des démons différents. Mais ça, c'est un point que j'ai trouvé vraiment intéressant d'en apprendre plus sur le livre, de voir plus l'intérieur. Tu sais, on voit tout le temps les mêmes pages, puis on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qu'il peut faire, le livre, dans les films de Evil Dead. Ouais. Ça, c'est un point qu'ils peuvent élaborer dans la série. Fait que quand j'ai vu ça dans l'épisode 3, j'étais comme, OK, non, c'est vraiment nice. Puis tu vois qu'ils peuvent vraiment avoir beaucoup de contenu, puis vraiment faire une série encore plus ambitieuse, peut-être dans la prochaine saison, comme je dis, s'ils rajoutent une demi-heure de plus, puis que ce soit des épisodes de 1 heure comme une série régulière, je crois vraiment qu'on pourrait tenir de quoi qui pourrait durer une couple de saisons, puis qu'on pourrait vraiment triper tout le long, puis peut-être un nouveau film aussi, là, je dirais vraiment pas non. Mais je pense que c'est ça, comme je dis, je pense que c'est ça le principe de la série maintenant, c'est que ça va être de prendre un démon de temps en temps dans le livre, puis de le faire sortir, puis ça va être des démons différents, je pense que c'est ça qui est le fun. Ouais. Avec le style différent. T'sais, lui, il avait vraiment une façon de bouger qui était vraiment tripante. Là. Ah, j'aimais beaucoup. Puis, j'aimais beaucoup l'effet que ça faisait, le genre de vibration du démon. Ouais. Il est fait entièrement de manière pratique, là, des effets pratiques, aucunement CGI. C'est vraiment un costume make-up. Il est vraiment écœurant. Ouais, il y a juste sa façon de bouger qui est faite avec un effet spécial. Là, sinon. Mais ça dérange pas. C'est vraiment cool. Ça rajoute de quoi. T'sais. Mais c'est comme on disait sur les deux premiers épisodes, il y en a qui hésitaient à cause du côté CGI puis des effets plus pratiques, mais je trouve qu'ils ont réussi à faire un bon mélange des deux sans que ça soit excessif, ça marche bien, puis je suis pas contre le CGI, je l'ai souvent dit, moi quand c'est du CGI qui sert à quelque chose, puis qui est quand même de bonne facture, moi j'ai aucun problème avec ça, là. C'est pas obligé d'être 100% tout fait à la main, je veux dire, on est rendu en 2015, on peut accepter l'évolution de la technologie puis des effets spéciaux, fait que moi je trouve que dans la série, il l'utilise vraiment de bonne façon, puis je suis vraiment satisfait pour le moment. Mais tu vois, c'est pour ça aussi que je pense que je ne sais pas s'ils peuvent aller au-delà d'une demi-heure, parce que ça doit coûter cher à faire. Mais la série en ce moment cartonne tellement que je pense qu'ils vont juste mettre plus de budget pour la deuxième saison. Peut-être, peut-être. Tu sais, au début, d'après moi, ils voulaient tenter le terrain, voir si ça allait fonctionner, pas être certain, mais regarde, le monde trip, c'est sur IMDb, la série est quand même cotée 9.4 ou 9.3 sur 10. Sur plusieurs milliers de personnes, c'est quand même beaucoup là, pour une télésérie. Moi, je ne sais pas à quel point les producteurs de télé regardent les notes d'IMDB. Non, ben c'est pas forcément par rapport aux producteurs, mais au fait que des fans de Ash, il y en a, puis ils sont présents. Les fans sont satisfaits. Fait que je veux dire, la formule marche. Oui. Mais ce que j'ai aimé aussi dans l'épisode, c'est qu'on a revu la fameuse dague du premier film qui sert à tuer les démons. Je me rappelle. Lucy Lawless qui l'a dans les mains pour tuer le démon qu'elle a. Elle s'en sert, elle fait juste frotter un peu sur le visage, puis le visage commence à dégouliner, un peu comme dans le premier film, mais c'est un effet spécial qui est amélioré parce que c'était en 2015, mais il faut comme dégouliner comme dans le premier film. J'avais même pas remarqué que c'est cette dague-là qu'elle tenait dans ses mains. Tu... Oui, c'est ça. J'ai pas porté attention, mon Dieu. Puis je trouvais ça qu'ils ont updaté. Je trouvais ça le fun qu'ils ont updaté là, cet effet spécial-là de dégoulinage des démons, là, comme il y avait dans le premier film. Fait que je pense que ça va être cool de revoir ça. Puis ben pendant que j'y pense, puis que j'oublie, avant que j'oublie, Luigi, tantôt, te disait dans le chat, t'as dit « Je t'échange mon masque de Michael Myers contre ton Ghostbuster. » Ton petit char de Ghostbuster. Masque de Michael Myers, mon Dieu, je dirais pas non. Quoique j'en ai un, mais il est tellement cheapette, je l'ai acheté au magasin d'Halloween. Puis c'est peut-être moi qui n'ai pas une assez grosse tête, on se le cachera pas, je suis très mince, j'ai un visage fait sur le long. À chaque fois que je mettais le masque de Michael Myers, ça faisait vraiment un visage aplati de même. Fait que personne ne me prenait au sérieux. Puis, t'as plus une face pour avec Ghostface, en fait. Oui, c'est vrai. Hein? Je suis sûr que ça me ferait super bien. Sauf que j'ai pas de cousine ou de mère qui sont mortes ou qui ont été violées ou je sais pas quoi que ce soit. Bon, c'est pas vraiment grave. On va te reconstruire une autre, autre origin story. On va faire un reboot avec toi. Un autre reboot, yeah. Ouais, non, fait que Ash vs Evil Dead, ouais, je suis très curieux de voir le reste. Là, je suis de plus en plus dedans, là, tu sais. J'ai hâte au prochain épisode. Mais encore là, tu sais quoi, je crois qu'ils sont tellement courts que c'est le genre de série, en tout cas cette saison-là, qui serait bon à écouter un coup qui s'est sorti en one shot. Que oh, t'es vraiment dedans. Ça va genre durer 3 heures en tout, là, tu sais, peut-être. S'il y a 10 épisodes d'une demi-heure, ça va être 3 heures. Genre, ah, c'est ça va être 300 minutes, ça va être genre 4 heures et quelques, là, tu sais. Je pense qu'on serait encore plus dedans au lieu de tout le temps se faire entrecouper. Là. Oui. Y avait-tu autre chose à dire sur l'épisode? Je pense que non. Je ne veux pas non plus dire toutes les surprises. Là. Non, la créature est vraiment cool. Je le répète. Ouais. Sinon, en fin de semaine, j'ai regardé Kingsman sur Netflix. Enfin! Oui, de Matthew Vaughn, du réalisateur de Kick-Ass. Puis, tu en avais parlé de toute façon. Ceux qui nous écoutent régulièrement, ils savent. Mais c'est le même auteur aussi que Kick-Ass, je pense. C'est Mark Miller qui a écrit le scénario, je crois. Oui, c'est tiré d'un même style de comic, si je ne me trompe pas. Puis, c'est Colin Firth qui... Colin Firth? Oui, ouais, c'est ça. Je suis en train de mélanger avec Hugh Grant. Colin Firth. Puis c'est ça qui dans le fond, c'est une histoire d'agent secret. Tu l'as déjà raconté, fait que je ne veux pas tout te raconter non plus. Là. C'est une histoire d'espion. Puis c'est... Alors, en gros, c'est tellement le fun, là, je vais le dire tout de suite. Là, je vais arrêter de passer. En gros, c'est tellement le fun comme film. Là, la scène de l'église, comme tu avais dit, est vraiment tripante. Là, est vraiment fun. Vraiment. Surtout sur cette chanson-là, qui est une de mes chansons préférées dans l'histoire du rock. Dès que ça a commencé, fait « Oh, yes, yes, enfin! » Je pense qu'il y avait une super de bonne scène. En tout cas, moi, je suis le seul au monde qui a aimé le film « Elizabeth Town » de Cameron Crowe, il y a 10 ans. Puis il y avait une super de bonne scène avec cette chanson-là. Mais là, ils viennent de... Matthew Vaughn a réussi à utiliser la chanson de manière encore tellement meilleure. Puis la scène est vraiment badass. Elle marche tellement dans cette scène-là, en plus. La scène est juste encore plus. Même si en tant que tel, t'enlèves la musique, la scène est juste trippante parce que techniquement, c'est plus ou moins un long plan séquence, mais il y a beaucoup de plans séquences dedans. Puis il arrive tellement de choses en 3 minutes 50. Il y a tellement de morts violentes, de têtes qui explosent, de bâtons. Je sais même plus où regarder. J'étais comme un enfant qui était dans un magasin de bonbons. J'étais comme, oh my god, le film est parti complètement ailleurs. Là. C'est fou. Oui, vas-y. Tandis que tout le restant d'avant, on est vraiment comme dans un film d'espion british à 100% qui suit les codes, mais qui, tu sais, plus ou moins, on avait plus ou moins l'impression que c'était le gars de Kick-Ass, mais avec la scène d'Edley, c'était comme, OK, non, c'est vraiment Matthew Vaughn qui est là, ça paraît, là. Ben, je l'avais un peu, le feeling aussi de Kick-Ass dans les relations entre les personnages. Tu sais, le côté un peu père-fils qu'il y avait entre lui, puis le jeune homme, puis Colin Firth, qu'on retrouve un peu le côté père-fille avec Kick-Ass, puis avec It-Girl, puis son père, là. Ouais. Comme ça, puis... j'ai vraiment beaucoup aimé le scénario, j'ai vraiment beaucoup aimé toutes les différentes scènes, l'apprentissage, toute la passe avec le petit chien, j'ai trouvé ça super le fun, tu sais. Il y a toutes sortes d'affaires qui sont vraiment tripantes. Puis la finale, il arrive de quoi à la fin? Je veux rien dire pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais comment je pourrais en parler? Mettons qu'il y a une finale multicolore qui m'a vraiment fait flipper. Là, j'ai fait « Wow, c'est donc bien génial, cette affaire-là. » Tu peux pas résumer mieux que ça qu'en disant une finale multicolore. Ça résume parfaitement la scène. C'est trop génial. La seule chose que je trouvais plate, c'est que la fille dans le film est mal utilisée parce qu'elle fait son personnage fait rien de super important dans le film. Mané a fait quelque chose qui pourrait être important, mais c'est tout de suite cancellé. Dans le fond, l'importance de ça est tout de suite annulée. Ouais. Fait que c'est juste ça, puis je pensais qu'elle reviendrait à la fin pour sauver, mettons, notre héros, mais c'est pas arrivé. Sinon, qu'est-ce que t'as pensé de Samuel Jackson? Ah, c'est tellement le fun de le voir jouer ce rôle-là. Je m'attendais pas à... T'sais, premièrement, le gars, il vieillit pas. Là. Il est rendu quasiment à 60 ans et quelques, puis il vieillit pas pendant tout cet acteur-là. Mais de le voir habillé comme il est, c'est tellement comique, puis... Puis j'aime beaucoup ça, la fille qui est avec lui puis qui a des jambes en métal. Le combat qu'elle fait avec elle, il est vraiment bon puis tout. Puis... Ça, c'est vraiment important dans n'importe quel film. Je me rappelle plus c'est qui avait dit ça. Je pense que c'est Alfred Hitchcock. Mais pour que ton film soit bon, ça prend un bon méchant. Un coup que tu as un bon méchant, c'est sûr que ton film en partant, il y a déjà des grosses chances d'être bon. Ça prend un méchant comme ça. Ça prend un bras droit au vilain principal. En tout cas, moi, dans un film d'action, j'aime tout le temps ça quand il y a son garde du corps, qui est spécialiste en X choses, les armes à feu, peu importe. Elle, c'est vraiment... Non seulement elle est badass avec tes couteaux, mais c'est original que ça soit vraiment ses pieds, qu'elle marche avec ses pieds. Ça fait vraiment différent de ce qu'on a vu. Mais ça rentre dans le code aussi des James Bond parce que t'as souvent un bras droit au méchant, tu sais, comme le personnage de Jaws dans deux films de l'époque de Roger Moore, puis je trouve là, comme d'assistants là, tu sais, de méchants là, tu sais, comme Dave Bautista dans Spectre pour faire un lien avec ce que je vais parler tantôt, mais non, c'est ça, tu sais, vraiment le fun, puis j'ai rien de mal à dire envers le film. La musique est super le fun. Les acteurs sont bons. L'acteur principal, je ne le connaissais pas. Il est super bon. J'ai vraiment adhéré. Puis je trouvais qu'à la fin, il ressemblait vraiment à Colin Firth. Il avait l'air d'un jeune Colin Firth avec ses lunettes et tout. Mais il avait l'air aussi d'un jeune... Je faisais penser aussi à Matt Damon un peu. c'est ça. J'ai adoré les relations. J'ai adoré... j'ai vraiment tout aimé. Je suis sorti de là. J'ai arrêté le film sur Netflix. J'avais le gros smile là, d'en face. Puis... Nice. Un gros 2 heures et quelques de bonheur. Là, j'ai une question parce qu'il y a une scène qui a été un petit peu controverse. Il y en a qui n'ont pas été satisfaits tandis que d'autres l'ont trouvé drôle. Mais c'est lorsque le jeune héros s'en va libérer la princesse à la fin et elle lui donne son prix. Je me disais que c'était pas nécessaire. Je me disais le plan qu'on voit, c'était pas nécessaire. Mais la joke en elle-même, même si tu verrais pas le plan, la joke me dérange pas. Ce plan-là, je le trouvais pas nécessaire. La joke me dérange pas du tout. Mais le plan, je le trouvais, ça sert à rien. Là, pour les spectatrices féminines qui regardent le film, qui ont du fun, puis tout, puis qui sont féminines, puis hétéros, ça fait. C'est vraiment pour plaire au regard masculin, puis je sais pas. Ça sert à rien, ça sert absolument à rien. Mm-hmm. Nous autres, on s'en plaindra pas, là, tu sais. Mais c'est ça, ça sert à rien, en fait. C'est juste ça que je reproche. En fait, c'est un peu pour essayer de relier une joke par les personnes qui sont en train de regarder à l'écran. On avait compris, on savait qu'est-ce qu'il allait faire dans la cellule, tu sais. Il a juste à fermer la porte puis c'est fini, tu sais. Ouais. Mais en même temps, est-ce que dans le comic ça allait jusqu'au bout? C'est une joke qui a été reprise dans le comic puis qu'on le voyait vraiment de manière claire? Parce que tu sais, veux pas, t'as un côté sexuel qui est assez cru dans Kick-Ass qui a pas forcément été mis dans les films comme dans le deuxième Kick-Ass qui était supposé avoir un viol puis ça a été complètement retiré. Fait. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie un peu de l'univers de l'auteur? Je suis vraiment intrigué de savoir si c'est vraiment pourquoi ce joke-là en particulier est là. J'étais surpris parce que je trouvais que ça ne fitait pas trop forcément avec le restant des jokes du film. Fait que vraiment, je me demandais la raison un peu au départ. Là. Moi, ça ne m'a pas gêné, mais c'est juste que je me demandais un peu l'intérêt. Non, c'est sûr. Moi, je trouvais que ça allait juste. C'était comme. Ben, tu sais, je n'ai pas pensé au comic book, mais je me disais juste que ça amenait la joke un petit peu trop loin pour rien parce que j'avais compris qu'est-ce qu'elle avait promis. Puis quand il est revenu puis qu'il a fermé la porte de la cellule, moi, je me disais, c'est correct, ça peut finir là. Mais... C'est ça. Je trouvais que c'était inutile. Mais sinon, j'ai adoré le film. La musique, tout. Les films de Matthew Vaughn ont tout le temps une excellente soundtrack. Là. Honnêtement, c'est un des réalisateurs qui m'a jamais déçu pour le moment. Puis son deuxième Kingsman est déjà en pré-production, ou en tout cas bientôt, puis gars, je vais y aller avec plaisir. C'est encore lui qui va être derrière la caméra, fait que je peux pas dire non. Attends, j'ai pas vu qu'il casse deux, mais parce que c'était pas lui, ça m'intéressait moins. Il y en a beaucoup que, ben beaucoup, il y en a une majorité qui a pas vraiment aimé qu'il casse deux, mais je te dirais, le seul défaut réel de Kick-Ass 2 pour ma part, c'était sa réalisation. C'était le réalisateur qui n'était pas Matthew Vaughn. Mais le reste, ça faisait Kick-Ass, puis j'étais satisfait. On a retrouvé la folie, on a retrouvé la violence. Puis t'as plein de nouveaux personnages qui étaient vraiment intéressants. Je trouvais que c'était vraiment une suite qui aurait pu être aussi bon que le premier. C'est juste que Matthew Vaughn n'était pas là, puis sa réalisation, ça paraissait, ça faisait mal un peu au film. Puis moi, je l'ai juste vu une fois Kick-Ass, mais je l'ai vu au cinéma, puis je me rappelle très bien qu'à la toute fin, c'était marqué. C'est marqué que les personnages allaient revenir dans Kick-Ass 2, 2 points, Balls to the Wall. Puis là, je me disais, c'est vraiment cool comme titre. Puis ils n'ont pas gardé, ils n'ont pas gardé ce sous-titre-là. Ça m'a fait chier quand le 2 est sorti. J'avais complètement oublié qu'il avait marqué ça à la fin du premier. C'est vrai que c'était hot comme titre. Ouais. Dommage. Puis, qu'est-ce que je voulais rajouter? J'ai jamais vu le premier film. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Je me souviens plus pourquoi on cherchait la filmographie d'un acteur. Puis on a tombé sur le premier film de Matthew Vaughn. Layer Cake. Ouais, c'est ça. Puis, mais t'as-tu vu Stardust? Je me rappelle plus si tu l'avais vu. Stardust, oui, je l'avais vu finalement, okay. Puis j'avais beaucoup apprécié. Le film avait bombé, je pense, mais finalement, le monde, les critiques étaient beaucoup positifs. Fait que c'est juste le film n'est pas sorti à un bon moment, I guess. Puis ton acteur principal, c'est lui qui fait Daredevil dans la série Netflix. Oui, c'est vrai, j'avais oublié, c'est toi qui m'en avais mentionné ça. Puis c'est ça, son X-Men est encore à date mon favori de la série. Et il y en a beaucoup qui préfèrent Apocalypse, mais moi, First Lay, c'est vraiment un que j'ai beaucoup aimé. C'est lequel Apocalypse? Je pense que je ne l'ai pas vu. Apocalypse, c'est celle-là avec Wolverine qui revient un peu dans le temps pour changer le futur. Il revient dans le passé. Ben, j'ai vu celui dont tu parles, First Class. Là. OK. Dans celui-là, t'as l'Apocalypse, tu as les deux Xavier et Patrick Stewart. Puis c'est le Batman James. C'est First Class? Ouais. OK. C'est le seul qui a fait? Ouais. OK. J'ai pas vu Apocalypse, je pense, puis j'ai pas vu Days of Future Past. Ah non, Apocalypse, c'est lui qui s'en vient. C'est Days of Future Past qui arrive après First Class. Je me suis mélangé. Là, il est en train de tourner Apocalypse. OK. Qu'est-ce qu'il y avait dans les commentaires? David Michaud qui disait Samuel L. Jackson a tellement l'air de s'amuser dans son rôle de méchant, puis il disait que c'était hilarant comme final. Sacco Mongro qui disait Matthew Vaughn est vraiment le renouveau des gros films hollywoodiens avec Del Toro, selon moi. Le renouveau, puis quelqu'un qui est capable de filmer correctement des scènes d'action sans avoir un montage épileptique, puis que ça soit ouais, parce invisible. Que la scène d'église, je me suis justement fait la remarque, puis je t'en ai déjà parlé souvent de ma relation avec les scènes d'action. Souvent, mon cerveau va juste arrêter de fonctionner pendant le temps que la scène dure, puis je vais attendre que l'histoire reprenne. Mais dans celui-là, j'ai vraiment aimé la scène de l'église parce que j'ai tout vu, tout ce qui s'est passé, malgré que c'est quand même assez frénétique comme mouvement de caméra, mais c'est pas trop fatigant, puis c'est pas. Tu suis tout ce qui se passe, puis. Non, c'est ça. Tout est parfaitement clair. T'arrives à voir le gros travail de chorégraphie qu'il y a eu. Tout est clair. Puis tu vois qu'ils ont travaillé. Je pense que ça avait pris... quelque chose comme 2 semaines faire cette scène-là. Là. Il y a eu beaucoup de préparation. Puis tu sais, tu vois le résultat. Là, c'est une grosse chorégraphie. Là. C'est compliqué à faire, ça. Là. Ouais. Puis même pour... Pour que tout le monde fasse tout au bon moment, tu sais. J'allais dire même pour Hugh Grant, là, tu m'as foutu Hugh Grant dans la tête, mais Colin Firth, même pour lui, là, ça a dû lui donner beaucoup de travail. Il y a beaucoup de scènes physiques pour lui là-dedans, puis il n'est pas jeune. Là. Oui. Il se donne vraiment à fond, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ce qui arrive tout de suite après, j'ai trouvé que ça prenait des couilles pour faire ça dans le film. Je ne l'ai pas vu venir. Tu l'as-tu vu venir, toi? Non. Pas en tout, puis j'ai comme fait, c'est bon. Oui. C'est... En tout cas, je ne veux rien dire de plus, juste que j'ai fait, c'est bon. Mais il y a un parallèle aussi à faire là avec Kick-Ass. Oui, exactement. Ça, c'est Matthew Vaughn, il a des couilles. Puis Mark Miller aussi, dans le fond. Ils vont bien ensemble. C'est ça, Luigi nous demande « Que pensez-vous du trailer de Krampus? » Qu'est-ce que t'en penses? Moi, honnêtement, j'adore. Je l'attends avec impatience parce que j'ai tellement adoré Trick or Treat. J'ai confiance à ce gars-là. Tu vois qu'il est bourré de talent. Puis je trouve que Krampus, c'est un démon de Noël qui n'a pas été assez exploité au cinéma. Fait que ça va apporter quelque chose de nouveau. Mais dans le trailer, ce qui m'a le plus marqué en tant que tel, c'est la dynamique familiale, les acteurs. Je pense que c'était déjà des personnages. Tu vois que le réalisateur va se concentrer, puis pas juste comme on s'en fout, crever, faites-vous bouffer par la créature. Moi, ça m'a surpris. Tu allais chercher du monde connu, tandis que dans Trick or Treat, tu n'avais pas beaucoup de visages connus. Tu avais Anna Paquin, tu avais une couple d'autres. Mais dans celui-là, tu as des visages de Saturday Night Live, je pense. Tu as du monde de différentes sphères à Hollywood. Puis tu sais, quasiment tous des visages connus, puis c'est vraiment cool de voir ça. Non, j'ai beaucoup d'espoir en ce film-là. Je souhaite que ça devienne un nouveau classique horrifique de Noël. Parce que je dis ça, je veux dire, le trailer commence comme n'importe quelle comédie de film de Noël, tu sais, qu'un repas autour de la table, puis tout ça, puis ça fait... Mm-hmm. Tu regardes la bande-annonce, tu fais « Ah, ben, c'est encore un autre film de Noël », puis tu sais, tout le monde... C'est ça, ça donne ce trailer-là parce que les gens sont connus, parce que t'as une couple de visages connus, tu sais. Puis une année, ça vire, ça fait... Ça fait quasiment 180 degrés. Là, pis, mais ça reste un peu comique, je pense, parce que ma blonde a ri tout le long de l'annonce. Je pense que ça se veut comique un peu comme film. Okay. C'était bien que c'était juste un rire nerveux, mais moi, je l'ai regardé et je n'étais pas sûr. Je ne sais pas quel ton qu'il veut donner, mais ça fait un peu humoristique quand même. Le film. Mais en même temps, moins effrayant, moins stressant peut-être que Trick or Treat. Même Trick or Treat était humoristique aussi. Là. En même temps, des fois, c'est difficile de juger par un trailer parce que souvent, c'est pas le réalisateur qui a le contrôle. Puis des fois, les films sont tellement mal vendus. Il y a des films que je m'attendais à ce que ce soit très sérieux. Puis j'arrivais, puis c'était une comédie. J'étais comme, il y a eu un problème au niveau du marketing. C'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Mm-hmm. On va attendre les premières critiques ou on va aller le voir, puis on va savoir. Bon, c'est sûr, j'y vois. Moi, je regarde pas de critiques. Je vois la première fin de semaine, puis je vais me faire ma propre opinion. Mm-hmm. Puis on va en parler dans Horror Gamer, sûrement. Ouais. T'avais-tu d'autres choses à dire sur Kingsman? Non. Non? Allez le voir, c'est sur Netflix. C'est bon. De toute façon, je pense que la plupart du monde l'ont sûrement vu. En tout cas, j'espère. C'est vraiment un des meilleurs blockbusters qu'on a eu cette année, celui-là. Et parlant de blockbusters, moi, je vais enchaîner avec mon film. J'ai écouté Terminator Genesis. Ouf. Non, je ne l'ai pas acheté, je l'ai loué parce que c'est un film que j'étais vraiment pas motivé à voir. J'aimais pas la bande-annonce. Et même de petites vidéos de James Cameron qui disait que c'était la suite que les fans de Terminator attendaient puis qu'il était très satisfait puis qu'il a trippé, m'a pas convaincu. J'étais comme, mon Dieu, il a dû recevoir un Christy de gros choc pour dire ça là, parce que le trailer, moi, du film, m'avait pas convaincu. Mais gars, je me suis dit, vaut mieux voir par soi-même. Et... autant j'aurais pu dire, gars, j'ai passé un moment correct, c'est pas emmerdant, le film a un bon rythme, puis c'est pas si pire, autant il m'a mis en tabarnak. Parce que, non, ça m'a vraiment mis en tabarnak parce que c'est supposé être un blockbuster. Je trouve que le film n'a pas l'étoffe d'un blockbuster, il livre pas tant que ça la marchandise, les gros moments d'action sont pas si gros que ça, puis tu sais, c'est quand même une grosse production à 100 quelques millions, puis ça part mal. La scène d'intro, ça commence à être le jugement dernier où il y a une bombe nucléaire qui explose, puis la ville part à lambeaux, puis tu vois tous les effets, mais le CGI est vraiment cheap. Tu sais, je disais que j'avais rien contre le CGI tout à l'heure, puis j'avais aucun problème, mais là, je suis devant un blockbuster. T'es supposé m'impressionner, t'as un budget de 100 quelques millions. Là, ton CGI il est digne d'un jeu vidéo, c'est très... très bas de gamme, puis on avait parlé, toi puis moi, justement, que la bande-annonce, les effets spéciaux laissaient à désirer, puis que l'effet du métal liquide du T-1000 était moins réussi dans ça que dans le Terminator 2 de 1991. C'est exactement ça, mais c'est sur tous les effets CGI. C'est vraiment boboche. Là-dessus, ça m'a frustré pour une grosse production. Mais qu'est-ce qui me fait le plus chier? C'est que le film n'arrive pas à se décider à être « Est-ce que je suis une véritable suite des deux premiers films, comme le mentionne James Cameron? » Ou si je suis un reboot qui tente de se la jouer suite, mais que je me camoufle et j'essaie de repartir à zéro les choses. Et c'est ça qui est plate, parce qu'il ne peut pas vraiment être 100% reboot, parce qu'il réutilise des scènes du premier film littéralement. On revoit des scènes copiées-collées. Et c'est ça qui est plate, parce qu'il y en a qui disaient qu'avec des remakes, gars, c'est pas grave. Si le film n'est pas bon, les originaux sont là. Ils ne touchent pas aux originaux, c'est correct. Ils ne détruisent pas les bons films, la bonne image qu'on avait des bons films. Terminator Genesis détruit ce que Terminator 1 et 2 avaient construit, mais en plus, il détruit les scènes en nous remontrant littéralement les scènes. T'as les mêmes, exactement, mêmes scènes. L'arrivée de Kyle, pour venir protéger Sarah Connor, ou l'arrivée du Terminator, le T-800, c'est la même chose. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il faisait, il faisait pas une autre réalité parallèle, un peu comme Star Trek, qui faisait comme une autre timeline parallèle. Mettons que les deux premiers films existent dans une timeline, puis lui, il arrive, puis il change de quoi, puis là, ça fait une autre timeline à côté. Ben, c'est ça que ça essaie de faire, parce que les deux scènes que j'ai mentionnées qu'on en revoit de Terminator 1, ils commencent exactement la même chose. Fait que t'es là, tu regardes la scène, tu dis « OK, je sais que ça m'en va, je l'ai vu. » Puis finalement, l'événement change. Il y a un événement qui arrive, puis la scène est complètement différente puis modifiée. Sur le coup, je me disais « OK, ça peut être intéressant. Il y a de quoi à faire le timeline, comme tu dis. » Mais ça mène nulle part parce que le scénario est un bordel incroyable au niveau du timeline. Les scénaristes ont essayé de tellement changer de choses, d'incorporer tellement de personnages. Lui qui est le T-800 n'est pas supposé être là, finalement il est là. Le T-1000, il débarque de nulle part aussi. Tu as comme vraiment plein de trucs qui changent. Là, Sarah Connor, finalement, elle a un robot, un T-800 qui la protège depuis qu'elle est jeune. Elle le voit comme un père. Il y a tellement de sous-intrigues, tellement de bordel que tout ce qu'on a vu dans les deux premiers films, ça ne marche plus. C'est comme s'il faut oublier les deux premiers films, mais ils ont fait la gaffe d'inclure des scènes des premiers films. Gaffe, vous voulez faire un reboot, partir à zéro, oubliez les volets précédents, puis faites ce que vous voulez faire. Mais là, les scénaristes se sont vraiment fourrés. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que tout le long du film, t'es aussi perdu que le personnage principal, Kyle, qui arrête pas de dire « Mais comment ça se peut? Pourquoi? » Puis à chaque fois qu'il demande le pourquoi, il n'y a jamais un personnage dans le film qui est capable d'y donner une réponse claire. Fait que tout le long, tu t'en calisses de qu'est-ce qui arrive. Fait que tu dis « Ben, je vais écouter ça pour le divertissement. C'est un gros film d'action, un blockbuster. » Mais même là, ça l'offre pas le spectacle qu'on attend d'un tel film. Les meilleures scènes, vous les avez vues dans le trailer, sont déjà pas écœurantes. Vous pouvez voir Mad Max qui dure 2 heures, qui vous offre 2 heures de spectacle écœurant avec un scénario simple, mais qui est beaucoup plus riche, avec des personnages riches. Et c'est, comme le disait si bien Marc-Antoine, on n'a plus besoin d'avoir des mauvais blockbusters ou des mauvais films. Il n'y a plus d'excuses, Hollywood. Mad Max est la preuve qu'on peut nous offrir un blockbuster intelligent, qui est de bonne facture, qui peut divertir, puis qui est un film qui ne prend pas de spectateur pour un con. Arrêtez de nous servir des remakes ou des films avec des personnages caricaturales à chier puis des scénarios de merde. Il n'y a plus d'excuses. Moi, quand je t'ai vu Jurassic World, ça ne m'a pas autant frustré, même s'il y avait bien des défauts. Marc-Antoine, ça l'a mis en tabarnak parce qu'il avait vu Mad Max avant, puis c'est comme dit, non, on n'est plus supposé avoir des films comme Jurassic World. Ben moi, en voyant Terminator, je me suis dit la même calisse d'affaires. Moi, c'est Terminator Genesis qui m'a fait ce déclic-là parce qu'il s'est amusé à me faire chier en détruisant les deux premiers films que j'adore, en changeant toute l'espèce de timeline en essayant d'intégrer quelque chose de nouveau qui n'est même pas clair et bon. Terminator Genesis, c'est un mauvais film, c'est un des plus mauvais blockbusters que j'ai vu cette année. Peut-être qu'il y en a qui vont l'écouter, qui vont dire « Gars, c'est pas si pire, j'ai passé 2 heures agréables, puis c'était divertissant. » Ça se peut, je vous le déconseille pas fortement. Pour ma part, j'ai vraiment détesté. Et quand tu t'amuses à prendre le running gag de la deleting de Terminator 2 d'Arnold qui essaie de sourire quand Edward Furlong essaie d'y apprendre, puis de l'utiliser pendant 2 heures, je te le jure, Jeff, là, t'as au moins 8 scènes dans le film que c'est Arnold qui essaie de sourire de manière cave. On a compris, c'était drôle dans Deleting, mais pendant 2 heures, c'est plus drôle. On a Luigi qui dit « L'humour d'Arnold est le point fort du film. » Oui, parce que c'est ça qui s'amuse. LOL, là, tu sais, mais... honnêtement, Arnold, c'est le seul qui s'amuse dans tout ce bordel-là. Il s'amuse à dire des répliques, puis il y a beaucoup d'humour par rapport à ça, mais... Pour ma part, ça n'a pas réussi à me faire oublier le restant du film qui est vraiment pas bon. Là. Puis, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'un des gros punchs du film, puis quand tu l'écoutes, le film, c'est comme, c'est vraiment un punch, t'es supposé faire « Oh my God! » comme les personnages, mais il est présent dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce, il te le montre gros comme la lune que « Tain, ça va être ça qui arrive dans le film, mais c'est supposé être un punch. » Enfin, encore là, il y a eu un esti de problème au niveau du marketing, là. Fait que la seule surprise du film est gâchée par le trailer. Si vous avez vu le trailer, vous avez vu tout ce qu'il y avait de surprise dans le film. Tu parles-tu de la présence du jeune Arnold? Non, aucunement. Je parle de le côté différent de John Connor. OK. Le genre de nouveau méchant, si on veut. C'est juste gâché. Puis moi, c'est ça, je m'intéressais surtout à la présence du jeune Arnold. Comment ça marche son intégration dans le film? Le jeune Arnold, ben c'est, le jeune Arnold, c'est juste parce que c'est la reprise de la scène du premier film. On en retourne en 1980, puis pour le T-800 qui vieillit un peu plus, parce que tu vois Arnold avec des cheveux blancs, c'est juste justifié par le fait que, oui, c'est un robot, mais la peau qu'il y a sur lui est quand même réelle, fait qu'elle vieillit, puis... Oh, mais comment ça marche? Ça passe-tu bien à l'écran de voir les deux ensemble? Est-ce que côté effets spéciaux, là, ça... Non, c'est raté. C'est raté. Okay. C'est raté parce que le jeune Arnold est 100% CGI, puis comme je dis, le CGI du film fait vraiment dur pour une grosse production. En fait, la scène, tu y crois pas une seconde. C'est supposé être un gros moment du film. T'sais, les deux Arnold se bataillent quand même pendant 5 minutes, mais c'est tellement fake que finalement, je prenais pas plaisir à voir la scène. C'est comme, non, j'y crois pas. Là. Tant que la fin, il aurait pu prendre une doublure d'Arnold de quoi. Là. Mais ça marchait pas. Okay. Fait que moi, je le déconseille fortement. Donne pas le goût de le voir. Mais tu sais, j'ai même pas vu le 3, j'ai pas vu le 4, j'ai pas vu. Pas envie de voir celui-là. Les deux premiers dans ma tête, c'était correct. J'ai vu le 3 au cinéma, puis j'étais sorti de la salle en tabarnak parce que c'était supposé être la grosse suite qu'on attendait depuis des années. Puis finalement, le 3, il est pas si pire que ça. Ce film-là a fait en sorte que je me suis dit, ouais, au moins le 3, il livrait plus la marchandise en termes d'action, à la limite. Là. Celui-là, non, il n'y a pas grand-chose pour. Ah, puis. T'as J.K. Simmons qui a été incroyable dans Whiplash l'année dernière, qui a gagné son Oscar. C'est triste de le voir là-dedans avec un personnage aussi mal écrit puis pathétique. C'est vraiment là, utiliser des acteurs du potentiel comme ça, là, c'est gâché. Dommage. OK, je vais continuer. Moi, j'ai été voir James Bond au cinéma. J'ai été voir Spectre. Puis, honnêtement, moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je sais qu'il y a eu des mauvaises critiques un peu, mais il y a eu des très bonnes aussi. Moi, je me place plus du côté des bonnes critiques. Ouais, c'est très mitigé. Ouais, ben, c'est celui qui le trouve peut-être trop mauvais au niveau du scénario, tout ça. Daniel Craig reste toujours aussi excellent dans son personnage, là. C'est pas mal mon James Bond préféré. Je pense qu'il est en train de déclasser Sean Connery pour moi. Là, c'est un gros, quasiment un gros blasphème. Mais faut dire que j'ai pas grandi avec les James Bond. Je les ai toutes vues à partir de 2012. À un moment donné, pendant un mois et demi, je les ai toutes réécoutées, toutes écoutées pour la première fois, toutes regardées dans l'ordre. Fait que Daniel Craig, il fait vraiment une interprétation incroyable. Puis le film, c'est pas le meilleur. Je pense que je le classerais. C'est mon préféré dans la série Daniel Craig, dans cette ère-là, c'est Casino Royale. Puis après ça, ben, j'hésite entre Skyfall puis Spectre. Puis mon quatrième, ben, c'est vraiment Quantum qui est moins bon un peu. Mais qui fait pas Quantum reste vraiment le moins bon. Oui, pour moi, oui. C'est l'idée que je me faisais un peu. Mais non, j'ai eu du fun avec, évidemment, avec Christoph Waltz qui... Je ne vais pas trop en révéler pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui ne savent pas exactement quel personnage il fait, mais c'est un personnage qu'on a déjà vu dans la série. Fait que c'est cool d'avoir un genre de nouvelle origin story pour lui et tout. Dave Bautista qui fait un excellent, je trouve, méchant contre James Bond et qui ne dit pas grand mot. Je pense qu'il ne parle même pas dans le film, si je me souviens bien, mais j'ai adoré toutes ses scènes, sa confiance, son... sa présence là, à l'écran est vraiment le fun. Puis toutes les scènes qu'ils mettent en vedette sont tripantes. Les scènes d'action, en général, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré le début qui se passe durant le jour des morts. Je cherche si j'ai un blanc de mémoire. Tout le monde parle surtout de ça parce que c'est apparemment un long plan séquence et ouais. C'est vraiment impressionnant. Oui, c'est au moins 2-3, sinon quasiment 4-5 minutes le plan séquence, mais je pense que c'est 2 ou 3 minutes. Mais il est intéressant. Puis toute la scène au complet avec l'hélicoptère et tout, c'est vraiment trippant. Là, non, les scènes d'action sont le fun. Marion Cotillard n'est pas là longtemps. Sa présence est importante, mais elle n'est pas là longtemps. Fait qu'elle est quasiment oubliable, un peu comme. Dans Quantum, tu avais une actrice connue qui s'appelle Gemma Arterton, elle était là genre 2 minutes dans ouais. Le film. Ça arrive souvent, là, la première fille qu'il rencontre dans le film, elle a souvent un rôle important à jouer dans le scénario, mais elle n'est pas là pour longtemps, tandis que la deuxième est tout le temps celle qui va être la Bond girl. Dans ce film-là, c'est Léa Seydoux, que je ne connaissais pas comme actrice, puis je l'ai trouvée vraiment intéressante. C'est dans la série avec Daniel Craig, c'est ma deuxième préférée après Eva Green. Non, j'ai passé un très très bon moment. Le film est très long, là. Il est pas loin de 3 heures, je pense. Mais il est long. Il est 2 heures et demie et plus. Là. Mais non, j'ai été sur le bout de mon siège tout le long. Puis tu sais, j'avais vraiment accroché au mystère du film, à l'enquête un peu, puis tout, à toutes les différentes affaires que James Bond devait essayer de comprendre. Toute l'histoire du MI6, de tous les problèmes que M rencontre, puis toute ce gang-là, Moneypenny, tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai vraiment beaucoup de fun avec cette série-là, puis il ne m'a pas déçu, vraiment pas du tout. J'ai passé un très bon moment, puis moi, je le recommanderais à tous les fans. Si vous aimez les autres films avec Daniel Craig, allez voir celui-là, n'hésitez même pas, là, tu sais, puis moi, c'était mon premier James Bond au grand écran, fait que j'ai trippé pour ça, entre autres. J'ai quasiment eu une petite émotion en voyant la fameuse image de lui au début du film avec la cible et tout. Pas la cible, mais le canon. Puis le générique, je ne m'attendais pas à aimer la toune de Sam Smith. Je n'haïs pas Sam Smith. Là, je l'ai vu en spectacle cet été dans un festival, pas parce que j'étais allé le voir lui spécifiquement, mais il fermait, dans le fond, c'était le dernier show d'une journée de spectacle dans un festival. Puis j'haïs pas son style, quoique j'en écoute pas du tout depuis que j'ai vu le show. Mais le générique, j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans le contexte générique, j'ai aimé la chanson. Puis c'est la première fois, je crois, que je vois dans un générique de James Bond des rappels aux autres films précédents, surtout aux 3 autres films précédents, parce que là, c'est comme la somme de tout ce qui est venu avant, ce film-là, puis il fait comme donner beaucoup de réponses à ce qui s'est passé dans les 3 autres films. Fait que le générique fait ça un peu aussi, puis il nous montre des visages, tu sais, des visages d'Eva Green, de Mads Mikkelsen, puis tout ça. Puis avec la chanson, puis la beauté des images du générique, j'ai eu une émotion encore là, tu sais, je disais, le film fait juste commencer, puis j'ai toute une émotion, j'ai trouvé ça, c'est un des beaux génériques de James Bond, sérieusement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce générique-là. Puis non, c'est ça, la réalisation, tout ça, la musique, la trame sonore, c'est rare que je vais accrocher sur une trame sonore instrumentale, en général, moi j'aime les comédies musicales, j'aime les chansons, mais la musique instrumentale, je le remarque même pas d'habitude, mais celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une scène de poursuite à un moment donné avec Dave Bautista qui se passe en Italie, puis les deux chars font comme rentrer dans le frame à un moment donné, puis t'as de la musique avec une chorale qui part, puis je suis comme, c'était tellement épique, là, ça m'a donné quasiment des petits frissons, là, j'ai adoré ça. Là. Puis non, en général, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Peut-être, tu sais, il y a des défauts, oui. Le personnage de Léa Seydoux, je veux dire, il n'est pas aussi badass qu'il pourrait être. Ça reste que c'est un film de James Bond. Les filles, on ne lui donne jamais tant d'importance que ça. Puis il faut l'accepter dans un genre, dans un sens, là, même si on est en 2015, puis ça devrait évoluer, mais ça reste que ça fait partie un peu des ingrédients de James Bond. C'est que la fille est un peu tout le temps, a besoin d'être secourue ou si elle a une arme, mais pas si hot que ça quand même. Elle n'est jamais aussi hot que James Bond. Il ne faut jamais qu'elle déclasse James Bond non plus. Fait que non, elle aurait pu être plus forte, mais c'est correct. Ça ne m'a pas tant dérangé sur le coup. J'ai vu d'autres critiques par après, puis je comprends ce que les gens disent, mais moi, ça ne m'a pas tant dérangé sur le coup. Quand tu rentres pour voir un James Bond, quand tu commences un film de James Bond, tu acceptes au départ ses défauts. Ses défauts qui vont être sa misogynie puis tout ça. Là, même si ça ne devrait pas être accepté, là, mais en tout cas, c'est problématique, en tout cas. C'est des films. C'est un personnage qui est là depuis tellement d'années, je veux dire. Ouais, mais en même temps, c'est pas vraiment une excuse. Ça devrait pas être. On devrait pas l'excuser, mais je sais pas pourquoi j'aime ça. Je me considère féministe, je me considère. Je suis tout à fait pour les féministes, tout ça, mais c'est comme. Mais tu sais, même Daniel Craig, il disait, là, dans une entrevue, lui-même, il disait James Bond, c'est juste un misogyne, puis tu sais, il descendait plus ou moins le personnage ça aussi. C'est partie de la game, c'est pour ça qu'on l'accepte. Moralement, on ne devrait pas l'accepter, mais c'est des films qui sont le fun quand même. Puis, tu sais, j'ai de la misère à pas les aimer. Fait que, tu sais, pour ça. Fait que j'ai de la misère à les condamner pour ça. Fait que, moi, j'ai passé un très bon moment. C'est ça, en gros, là, que je voulais dire. J'ai passé un très Autrement bon dit, il a atteint tes espérances. C'était pas un très bon jeu de mots. OK, sorry. J'ai essayé au moins. Oui, oui. Nice, tu m'as vraiment donné envie d'y aller. Moi, j'ai mes beaux-parents qui ont été en fin de semaine, puis on avait un souper de fête pour ma copine, puis mon beau-père n'était pas de m'en parler. J'étais comme, non, je vais y aller. Là. Je ne veux pas me manquer. À date, j'ai vu pas pratiquement. J'ai, oui, il y a juste Scarfall, j'ai manqué au cinéma, mais sinon, j'ai vu des autres films de Daniel Craig au cinéma. Fait que ça, là, j'aimerais ça pas le manquer. Puis je veux pas trop en dire sur Christoph Waltz, c'est pour ça que je n'ai presque pas parlé. Tu sais, ma blonde, elle a pas vu le film, puis elle a dit... Tu sais, j'y disais que c'est un bon personnage de Christoph Waltz, c'est du Christoph Waltz classique, là, tu sais. Mm. Elle dit, c'est juste dommage, puis elle a raison, là. Elle dit, c'est juste dommage que Christoph Waltz, il a comme juste une note à son registre, il fait tout le temps la même chose, il fait tout le temps le même méchant. Ouais. Mais même s'il fait tout le temps le même méchant, j'ai du fun pareil à le voir, tu sais, je comprends, puis je suis tout à fait d'accord. J'ai pas vu ses films avant Inglourious Basterds, je sais que c'était déjà une vedette en Allemagne à l'époque. Puis j'ai pas vu ses films qu'il a fait avant, mais depuis Inglourious Basterds, il fait quasiment tout le temps la même chose. Les Américains veulent tout le temps, tu sais, quand ils l'engagent, qu'il fasse son personnage de Inglourious Basterds, mais dans un autre setting, tu sais. Ouais. Puis là, il joue un personnage qu'on a déjà vu dans des anciens James Bond, et puis un personnage qu'on connaît. Puis il le fait à sa manière à lui. Puis moi, je trouve que ça fit, c'est quasiment le meilleur acteur qu'il aurait pu prendre pour ramener ce personnage-là dans cette série-là. Puis moi, j'ai aimé ça parce que j'aime déjà d'avance Christoph Waltz, fait que j'ai aimé ça. Je comprends les gens qui vont dire « Ben, il fait la même chose que dans Inglourious Basterds. » Et oui, mais c'est le fun. Fait que je peux pas m'en plaindre. Cool. J'ai hâte. J'ai pratiquement envie d'y aller demain. Vas-y. Mais bon, c'est vrai, hein, je devrais y aller. Moi, j'ai écouté un petit film canadien. Je savais pas si je devais l'inclure ici ou le garder pour Horror Gamer, mais je me disais, j'ai tellement gardé de films d'horreur pour Horror Gamer que j'ai pas besoin de m'en garder d'autres. Puis t'en avais déjà parlé, toi, dans un épisode. J'ai écouté Backcountry. Ouais. Mon homme. Petit survival, on peut l'appeler comme ça, c'est tiré d'un fait vécu, puis c'est très, très classique en termes d'histoire et de scénario. C'est très simple, c'est juste un couple qui décide d'aller faire une randonnée. En fait, son chum, il a préparé un genre de voyage dans les bois, puis il veut lui montrer un endroit qu'il allait tout le temps quand il était jeune. C'est un endroit important, puis en même temps, il veut y faire une grande demande, évidemment. Fait qu'ils vont aller faire un petit trip là-bas, puis le gars, il est un peu entêté. Le gars, il s'imagine qu'il sait tout, qu'il est vraiment bon, qu'il n'a pas besoin d'aide, pas besoin de carte. Je connais les chemins par cœur. Et manque de bol, ces chemins sont pas aussi par cœur qu'ils pouvaient le penser, puis ils vont finir par se perdre, puis au fur et à mesure que le temps va avancer, bien, il va y avoir un ours qui va venir, un ours. Je mélange tout le temps ours puis grizzly, qui va arriver, puis il va venir mettre un petit peu de piquant dans cette histoire de survie. Et c'est ça, en gros. Étonnamment, ce film-là, il est super bien coté sur Rotten Tomatoes, puis même sur la pochette du DVD, c'est certifié fresh. Puis ça m'étonne que le monde apprécie autant le film parce que on retrouve exactement les mêmes qualités, les mêmes défauts qu'un Open Weather qui a été bâché quand même pas mal à sa sortie à l'époque. Et celui-là, par contre, il l'est pas. Je trouve ça assez drôle parce qu'en tant que tel, j'ai trouvé la première heure de Backcountry beaucoup plus longue que Open Weather parce que je veux pas dire que j'aime forcément plus les personnages d'Open Water, parce que déjà, dès le début, j'aimais beaucoup ce couple-là. J'aimais beaucoup leur chimie dans la voiture avec la musique. Le gars va mettre une musique pour énerver la fille, puis elle va embarquer avec lui. Déjà, en partant, les deux acteurs sont très bons, puis j'aimais beaucoup les personnages. Puis j'aimais beaucoup tout le processus de build-up, de l'arrivée dans les bois. Ils vont rencontrer un autre personnage qui va venir s'intégrer en 5 minutes, puis... Autant au début, je me disais, bon, c'est le cliché, mais il va avoir son importance, ce personnage-là, pour nous créer des doutes sur plusieurs choses. Fait que j'ai trouvé ça une bonne idée d'inclure ce personnage-là. Mais à partir de quand le couple va commencer à se perdre, ça tourne en rond. Il n'y a plus grand-chose des fois que le couple se dise, puis c'est vraiment juste qu'il marche dans les bois. En temps normal, ça ne me dérange pas, ce genre de choses-là, mais la première attaque de l'ours, ça prend vraiment 1 heure. Le film dure 1h30 et ça prend littéralement 1 heure avant que la première attaque arrive. Fait que pour moi, c'était un petit peu un défaut. J'ai trouvé qu'il y avait une longueur, pas sur toute la durée, mais j'ai trouvé qu'à un moment donné, il y avait au moins un bon 20 minutes ou 15 minutes qu'on aurait pu raccourcir. Mais en même temps, j'ai de la misère à cracher sur ça parce que l'impact de la première scène d'attaque est tellement forte, vu que tu l'attends tellement et tu as tellement buildé ça, que la scène est juste incœurante, elle est vraiment mémorable, puis elle est venue me secouer émotionnellement parce que j'ai été avec ces personnages-là pendant 1 heure, puis j'avais l'impression vraiment de les connaître de fond en comble plus ça avançait. Et de voir tout ce qui arrive en 5 minutes, c'est... La scène est littéralement atroce parce que, premièrement, elle est vraiment réaliste. Je crois c'est super attaque... bien fait. C'est super bien fait. Je pense qu'une attaque d'ours, ça ressemble vraiment à ça. Là. C'est désastreux. Mais c'est très réaliste. Puis en même temps, j'ai repensé. J'écoutais le restant du film. Après, c'est... La dernière demi-heure est correcte. C'est 2-3 attaques d'ours, puis c'est la fille puis le gars qui tentent de survivre. Puis après, j'ai repensé, j'étais comme, c'est tiré d'un fait vécu, puis je suis comme, je peux pas reprocher à 100% les défauts que j'ai dit sur la longueur, puis qu'il se passe pas tant de choses que ça, parce que je crois que le réalisateur a choisi vraiment d'offrir un film qui est réaliste et qui respecte le fait vécu. Je connais pas exactement la vraie histoire, mais je pense qu'il a voulu vraiment faire un film réaliste, puis pas en rajouter. Je savais pas que c'était basé sur un fait vécu. Non, c'est ça, il mentionne au début. Fait que je crois que le réalisateur a juste vraiment voulu respecter ça. Puis, gars, ça donne un film que tu y crois. À aucun moment, je me dis, gars, c'est arrangé avec le gars des vues ou ils en ont trop rajouté. Non, c'est un film que j'ai cru tout le long. J'ai pas tant de mauvaises choses à dire. J'ai vraiment passé par un bon moment. À part que c'est vraiment quand même assez classique comme histoire, puis quelques petites longueurs, mais sinon, je vous recommande. C'est un bon survival. On n'en a pas tant que ça sur des ours. Les ours grizzly, c'est pas un animal qui a été autant que ça exploité au cinéma, à part des années peut-être 70-80. Mais non, j'ai vraiment passé un bon moment avec Backcountry. Je vous le recommande si vous êtes amateur d'attaque animale. Celui-là contient vraiment des scènes qui risquent de vous surprendre malgré son petit budget. Là. La scène de l'attente, moi, je l'ai trouvé écœurante. Mais moi, j'ai pas de problème avec le début. Puis, tu sais, j'aime ça les films où ça jase, puis il y a du développement de personnages. Puis lui, ben, tu sais, t'apprends, comme tu dis, à connaître les personnages, puis à t'y attacher. Puis c'est ça, c'est important le début pour que tu arrives à cette scène-là, puis tu sois frappé, comme tu dis, que tu sois marqué là, par l'attaque, tout ça. Parce que tu as passé du temps avec eux autres, puis à les connaître. Puis j'aime beaucoup je connaissais déjà l'actrice, c'est pour ça que j'ai voulu voir le film. Puis elle est super bonne, cette actrice-là. Puis j'aimais leur relation, puis le développement de leur relation. Puis comment est-ce qu'elle. Au début, elle accepte de faire confiance, de dire « OK, amène-moi là, il n'y a pas de problème. » Puis à un moment donné, elle fait de moins en moins confiance parce qu'elle se rend bien compte qu'il est perdu. Tu sais, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis, c'est ça, pas s'allouer, là. Puis ils n'ont pas besoin de mettre un film avec un Bigfoot ou même un grizzly. C'est juste un ours bien normal, comme on trouverait dans... Comme, tu sais, chez nous, ici, à Peterborough, des fois, on en trouve... Il y en a qui se promènent dans les bois, pas loin des maisons, là, tu sais. Des fois, il y a des alertes aux ours d'un quartier pas tellement loin de chez nous, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça peut... C'est un ours, bien normal, mais t'as pas besoin d'une grosse affaire sensationnelle, tu sais, pour faire un bon film, tu sais. Tu peux avoir juste une menace très réaliste, tu sais. Puis c'est ça, la scène, elle est tellement frappante. Puis, comme tu dis, ça doit ressembler à ça, une attaque d'ours, puis... C'est fait tellement simple, cette attaque-là, puis en même temps, c'est tellement efficace là, visuellement, c'est fou, là. C'est dingue, puis à aucun moment, ils utilisent de CGI. En tout cas, je crois pas. Tu sais, tout le long, ils utilisent vraiment un vrai ours sur le plateau du tournage, puis c'est vraiment bien fait. Puis comme toi, je te l'ai dit, Jeff, moi, souvent, les films qui sont considérés plates, surtout, il y en a des fois dans les fans de footage où il y a trop de blada avec les personnages, moi, j'aime ça. Comme je disais, Open Water, j'adore ça. Ça a beau être deux personnages dans l'eau qui parlent plus que de danger avec les requins ou peu importe. J'adore ça parce que je m'intéresse aux conversations quand j'aime les personnages. Et c'était pareil avec Backcountry, mais après un 40 minutes, je trouvais que tu avais des fois des 3-4 minutes où que, tu sais, les personnages ne te disaient juste rien, puis c'est juste vraiment qu'ils marchaient avec un petit bruit de musique en fond, des fois quelques ralentis, puis c'est ça qui m'a un petit peu buggé. Mais comme je dis, c'est pas forcément non plus un défaut majeur parce que ça l'amplifie la scène de l'attente, fait que c'est pas plus grave. J'enlève pas tant de points que ça au film à cause de la longueur là, non plus. Mais j'ai pas vu Open Water. Moi, ça m'a fait penser à Willow Creek un peu, la relation entre les deux. Oui. Ben, il y en a beaucoup qui ont trouvé avant la scène d'attente de Willow Creek que c'était long et qu'il ne se passait pas grand-chose. Moi, je trippais. J'ai quasiment autant trippé sur la première heure que qu'est-ce qui arrive par la suite parce que c'est le fun. J'aime ça, suivre ces personnages-là. Puis quand c'est intéressant puis que j'aime l'interaction puis que j'y crois, ben moi, je m'en fous. Tu me fous de ça pendant une heure. Si c'est intéressant puis que j'aime les personnages, moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est dans mes palettes de goût. Je comprends qu'il y en a qui vont se dire, gars, il n'y a pas d'action. Moi, du blabla, je trouve ça plate. C'est correct. Mais personnellement, je suis comme toi puis j'adore ça, là. Oui. Mais je le recommande aussi. Moi, je le recommande, c'est ça. C'est un bon film. Il n'est pas sur Netflix nulle part, je pense qu'il est vraiment juste en DVD, Blu-ray. Je pense que oui. Je sais que Scream Factory l'avait sorti, ça faisait déjà un petit moment. C'est pour ça que toi, tu as pu le voir avant moi. Moi, quand je l'ai écouté, je venais d'acheter le DVD qui vient de sortir ici. Okay. Vous pouvez le trouver au HMV pour $14,99. je dirais que ça vaut l'achat. C'est quand même un bon film qui vaut le coup. Oui, oui. Mais moi, j'avais pas tant de films que ça que je voulais parler. J'ai vu, il y a quelques semaines, j'en parlerai pas super longtemps, mais j'ai vu, pour le fun, là, je me suis tapé un film de Bud Spencer et Terence Hill que je pense que j'avais jamais vu. C'est On l'appelle Trinitan. Date de 70 ou 71. C'est le premier gros film qu'ils ont fait ensemble. Ils en avaient déjà fait trois, je pense, ensemble, mais c'est le premier qui a eu un gros succès. C'est un western, puis c'est l'histoire de deux frères, un qui est shérif, mais plus, en tout cas, c'est pas vraiment le shérif, mais je rentrerai pas dans les gros détails, mais il a pris la place du vrai shérif, en fait. Puis t'as son frère qui arrive dans la petite ville, puis là, ben, ils vont aider une gang de mormons à... Il me semble que c'est ça, des mormons ou des quakers, je me souviens plus, à se défendre contre des bandits. Puis c'est super simple comme scénario, mais ça reste... C'est drôle, tu sais, au début, j'étais pas trop sûr, parce que je trippe pas ces westerns en général, fait que je trouvais ça lent un peu, mais plus ça avançait, plus j'accrochais. Puis ça reste que c'est Terence Hill puis Bud Spencer. Puis Terence Hill avec sa bouille super sympathique, qui est tout le temps en confiance, même si c'est dans les pires situations merdiques, tu sais, qui lâche jamais qui perd jamais son cool, tu sais. Puis Bud Spencer, qui lui, tout ce qu'il a à faire, c'est donner un coup de poing, tu sais, vraiment comme ça, tu sais, puis tout le temps avec son fameux coup de poing. Tu trouves-tu que leur relation, ces deux acteurs-là, puis je pense qu'ils auraient dû faire cette adaptation-là, c'est Astérix puis Obélix? Mm-hmm. Tellement, là, c'est... Oh oui. J'y vois comme ça, là, puis maudit que faire une version américaine d'Astérix Obélix, tu prends ces deux acteurs-là, ben, puis maintenant, mais en tout cas, t'aurais pris ces acteurs-là, ça aurait été écœurant. Là. Version italienne, tu veux dire, c'est des Italiens. Ouais, mais en dernier, ils tournaient les films en Amérique, à moins que je me trompe. Je suis pas certain. OK. Il y en a peut-être fait, là, oui, tu sais, il y a les super flics à Miami, tout ça, mais je sais pas si c'était tourné à Miami, mais... OK. Mais c'est des Italiens. Le pire, c'est qu'ils sont encore en vie. Moi, j'aimerais ça qu'ils fassent un caméo à quelque part dans quelque chose ou qu'ils fassent un... Il doit être rendu vieux pas mal, par contre. Ils sont, ouais, Bud Spencer, il y a 86. J'ai écrit sur Wikipédia. Il y a 86, puis Terence Hill est 10 ans plus jeune, il a 76. C'est moi, ouais. Mais je pense qu'ils sont encore actifs. Ben, tu sais, peut-être moins Bud Spencer, mais il a joué dans une série dans les années 2000. Puis il est devenu aussi politicien. Je lisais ça sur Wikipédia. Il est devenu, c'est l'ancien politique à un moment donné. Bud Spencer, il a une vie tellement là, incroyable. On pourrait faire un film sur sa vie, puis ça durerait 3 heures. Et tu peux trouver sur YouTube des images de lui quand il était jeune, dans les années 50, puis il était champion de natation. Il a fait 2 fois les Olympiques, Bud Spencer. Puis tu vois des images de lui tout jeune, vingtaine, peut-être début trentaine, mais je pense que c'est plus la fin vingtaine. Puis il est tout musclé, tout mince, c'est pas de barbe. Tabarnak, j'avais jamais vu comme ça, puis en tout cas, c'est cool, puis on l'appelle Trinita, c'est un film le fun. À la fin du film, j'étais vraiment embarqué dedans, j'avais tout de suite envie de voir la suite, là. Je l'ai pas encore vu, mais je vais la regarder bientôt. Mais ça, au début, j'étais pas trop sûr, parce que je suis pas un gros tripeux de western. Ouais. J'avais déjà vu quelques autres de leurs films des années 80 qui sont dans l'ère moderne, tu sais, qui sont plus dans les temps modernes, puis c'est plus mon genre, mais ils en ont fait un, je pense, un film de pirate, ils ont fait toutes sortes de films. Ils en ont fait beaucoup. Mais c'est ça, en gros, j'avais pas grand-chose à dire là-dessus. C'est tout le temps le fun, quand même. C'est tout le temps divertissant, puis c'est relaxant, puis ça me fait penser à mon père, parce qu'il aimait ça quand j'étais jeune, puis... Moi aussi, j'écoutais ça avec mes parents. Je me rappelle, il y en avait un qui avait été fait de Noël avec eux. Je ne me rappelle plus c'est lequel, là, mais ça se passait tout le long dans une espèce de chalet, puis il y avait un gros arbre de Noël à l'extérieur. Puis j'essaie tout le temps de le retrouver, mais j'ai bien de la misère. Leur filmographie est trop grosse. Mais j'écoutais ça avec mon père assis à terre, puis je trippais là, puis j'avais beaucoup de fun avec eux. Là. Ben moi, il me reste 2 trucs à parler, dont juste un film. Et celui-là, je ne vais pas m'éterniser parce que je crois que tout le monde en a tellement parlé. Toi aussi, tu en as parlé. Ben, je vais y aller assez rapidement. J'ai écouté finalement Inside Out de Pixar. J'avais des grosses attentes parce que vous me l'avez tout vendu quand même assez gros. Puis j'aime beaucoup Pixar, pour s'attendre tout le temps à ce qui se surpasse de film en film parce que c'est globalement, c'est pas mal tout de qualité. Il y a des petits anicroches de temps en temps. Genre les avions ou Cars 2 qui sont loin d'être mémorables pour ma part. Mais sinon, Inside Out, je vais y aller direct. Personnellement, c'est mon Pixar favori et c'est le meilleur film d'animation que j'ai vu cette année. J'en ai pas vu des tonnes, mais c'est un des meilleurs films tout court que j'ai vu cette année. c'est le film le plus mature de Pixar. C'est tellement brillant, c'est tellement bien écrit. Mais la manière c'est structuré visuellement de rendre le tout, de rendre les sentiments dans la tête d'une petite fille, les souvenirs, comme tu en parlais, que c'est toutes des petites boules, les boules bleues, c'est quand c'est bleu, c'est parce que c'est triste. Dès que le petit personnage d'émotion touche à une boule orange, ça devient bleu, c'est la tristesse. Oui, puis ils sont vraiment basés sur des études scientifiques, puis sur par rapport à la mémoire, tout ça. Oui, ça que tu me disais, puis c'est vraiment structuré de manière brillante, puis je trouve que c'est un film vraiment intelligent pour les enfants. Ça va leur créer non seulement ça va leur apprendre des choses, mais en même temps, c'est intelligent. T'sais, c'est pas juste de la comédie des petits bonhommes qui niaisent. Il y a vraiment quelque chose derrière ça. Mais en tant qu'adulte, le film est vraiment venu me toucher parce que par moments, c'est tourné et c'est fait de manière très humaine et très existentielle. Pas que je veux comparer ça à du Terrence Malick, mais t'as des côtés humains qui fait juste s'enfiler, qui venaient me chercher, comme par exemple, à partir de quand le film débute ou que c'est juste elle en bébé qui apparaît, puis on voit des mini-pensées. Mais ensuite, c'est juste une succession de elle qui grandit en voyant un peu la réaction des sentiments à l'intérieur. Puis émotionnellement, ça venait me chercher. Je sais pas si c'est parce que je suis père d'un enfant, mais je trouvais que ça marchait, ces scènes-là, puis je trouvais ça cute, je trouvais ça poignant, parce que tu voyais toutes les étapes d'un enfant, que ça se fait mal, puis ça nous montre à quoi ça pense un peu en même temps. Tu sais, quand on la voit avec son père puis sa mère avoir du fun quand elle est tout petite, puis être son côté un peu, ce qu'il appelle en anglais, je pense que c'est screwball, qui fait screwball, des conneries. Ouais. Puis je pense que je l'avais parlé, puis c'est un peu un spoiler, mais pas vraiment. Moi, je le savais avant de voir le film, mais à un moment donné, tu sais... Elle va perdre ce côté screwball-là parce qu'il y a comme des petites îles dans sa tête où c'est l'île de la famille, l'île de ci, de ça, puis l'île de screwball. Puis son île de screwball, elle va comme se détruire. Puis une fois que c'est détruit, ça ne revient plus jamais. Puis quand ça arrive, ce bout-là, j'ai tellement eu des gros frissons. Là, c'est tellement touchant, ce bout-là. C'est pas le bout le plus touchant du film. Le bout le plus touchant, on ne rentrera pas là-dedans. Non, on va laisser la spoiler, là. Mais chaque moment dramatique dans le film, je trouve qui est touchant, c'est à chaque fois ça vient de poigner pour. Ça frappe dans le mille, là, ça frappe dans. Ça frappe tout le temps dans le mille, c'est jamais trop, c'est jamais pas assez. Puis la finale, tu sais, il manque pas grand chose pour te faire pleurer, puis la finale, elle vient comme te poigner pour de bon, là, pour pas te lâcher. Puis tu sais, je suis obligé comme de me retenir pour m'empêcher de broyer. Pourquoi ça. Je sais pas pourquoi je me retiens, peut-être parce que c'est comme ma blonde est à côté de moi, je veux pas qu'elle me voie les dents. Ah, moi, ma blonde, elle m'a vu broyer, mais bon, j'aime, tu sais. Mais tu sais, son ami imaginaire, tu sais, juste comment ça nous montre qu'est-ce qui arrive avec l'ami imaginaire qu'on se fait quand il est jeune. Bing bong! Bing bong, c'est génial, c'est tellement génial. L'autre fois, on est allé au. J'avais parlé sur ta page Facebook, on est allé au Disney Store, au Eaton Center de Toronto. Puis il y avait une petite section Inside Out, puis il y avait un toutou de Bing bong. À peu près de, je sais pas moi, cette hauteur-là, à peu près. Puis c'est vraiment pareil comme dans le film. Puis en plus, il sentait la barbe à papa. Puis là, tu vas checker sur le site maintenant, puis il est sold out. Il ça, pleure des bonbons? Je sais pas s'ils l'ont construit jusque-là, là, tu sais, si on... mais il sentait la barbe à papa, il sentait super bon. Puis on a fini de l'acheter, puis on l'a pas acheté, puis c'était juste 20$. C'est comme, on a... Tu sais, mais il est discontinué, ça fait chier. Puis j'aime beaucoup l'évolution des personnages sentimentaux. J'aime beaucoup que Tristesse soit un personnage très rejet, que tout le monde, c'est comme, non, va-t'en, faut que tout le temps qu'elle soit heureuse, puis tu sais, le sentiment heureuse est tout le temps speedé, faut tout le temps que tu sois parfait, elle a tout le temps une solution à tout, même quand c'est rendu catastrophique. Puis, ils sont tellement bien choisis, là, tu sais, la colère. Ils sont bien choisis. Ah, la colère, à chaque fois qu'il pète une coche avec le feu au-dessus de sa tête, c'est tellement drôle. Mais toute la morale qu'il y a dans le film, je trouve que c'est génial, c'est des bonnes valeurs pour les enfants, puis que la tristesse dans la vie, c'est important, on a besoin, même si c'est pas le fun, des fois ça prend ça pour qu'on se sente mieux après, pour qu'on soit plus heureux, que ça l'amène d'autres événements. Puis le film est vraiment riche. Puis au départ, je me demandais, tu sais, j'ai terminé le film, puis après j'étais comme, par moments, c'est quand même assez mature comme film, tu sais, t'as des éléments vraiment d'adolescence, puis de problèmes de familial, de trucs comme ça. Puis j'étais comme, un enfant de 7 ans, tu sais, vas-tu apprécier le spectacle qu'on lui offre pareil? Moi, ce que je t'avais dit au mois de juin quand je l'ai vu, c'est que je pense que en bas de 11 ans, les gens comprendront. Les jeunes peuvent pas comprendre émotionnellement qu'est-ce qui se passe, parce que le personnage a 11 ans. Puis je pense qu'avant cet âge-là, tu n'as pas vécu tout ce qu'elle a vécu ou t'as pas, tu peux pas vraiment t'identifier à ce qu'elle avait à vie. Mais à partir de 11 ans, mon temps, là, c'est correct, là, je pense. Ben, en même temps, je pense que c'est une bonne chose. Comme tous les films que j'écoutais quand j'étais jeune, que j'avais du plaisir, puis que finalement, quand je les revoyais plusieurs années plus tard, j'étais comme « OK, c'est ça que ça voulait dire. C'est pas pantoute ce que je pensais quand j'étais jeune. » Mais tu sais, les enfants peuvent écouter ce film-là et avoir beaucoup de plaisir avec les personnages sentimentaux qui sont très le fun, très extravagants, puis colorés. Puis tu sais, à un moment donné, tu as comme le genre de petite ville imaginaire avec des bonbons et toutes sortes de choses. Mais je veux dire, les enfants, je pense qu'ils peuvent avoir du plaisir, mais comme tu dis, c'est juste qu'ils ne vont pas saisir tout le potentiel du film. Mais ce qui est le fun, c'est qu'à force de le revoir, au fur et à mesure qu'ils vont grandir, ils vont voir de plus en plus les détails. Puis je trouve ça cool de... Rappelle-moi, c'est quoi qui se passe avec le petit bonhomme? Sa femme, elle sort à un moment donné, puis les deux policiers qui demandent qu'est-ce qui s'est passé, puis elle a comme perdu son mari. Puis c'est quoi qui s'est passé? Son fils comment, déjà? Oh my God, oui, c'est vrai, c'est tellement drôle. Je pense que c'est des nuages ou des... Ouais, c'est ça que j'ai dans la tête, c'est des nuages. Je pense qu'il fait comme pff, disparaître ou je sais pas trop quoi, puis... puis elle est là, puis oh, j'ai perdu mon mari, je sais pas trop quoi, puis... Ouais, t'as plein de petits personnages secondaires vraiment le fun puis cocasse. Tout l'imaginaire où ce que tout devient pixelisé puis carré puis tout ça là, tu sais, puis Ah oui, j'avais oublié cette scène-là. Il y a tellement de trucs. Sérieusement, il y a une valeur de réécoute incroyable ce film-là. Puis je suis déjà impatient de le revoir. Là. La fameuse chanson qui revient tout le temps. Ah ouais. Est-ce qu'elle est drôle, elle est tellement drôle. Dans notre vie, une chanson comme ça qu'on a retenue toute notre vie pour rien, un jingle de commercial ou quelque chose comme ça. Là, de pub. Ça, j'écoutais ce film-là, puis la manière que la mémoire est stockée, puis toutes ces choses-là, ça me rappelait exactement les scènes de mémoire pour le pas très bon Dreamcatcher, qui est une adaptation de Stephen King, où les personnages ont des dons, puis qui peuvent littéralement placer comme des bibliothèques leurs souvenirs, puis ces choses-là. Puis tu sais, il y a une place qui garde leurs chansons, les paroles par cœur, ces choses-là. Sauf qu'ils ont pris des éléments comme ça pour Inside Out, mais les utiliser de manière vraiment plus intelligente puis mieux l'exploiter. C'est vraiment beaucoup plus riche. C'est un concept que j'aimais déjà dans Dreamcatcher. J'étais comme, après un heure, le film va un peu en n'importe quoi. Tandis que là, dans Inside Out, je trouve que c'est un beau concept original qui fonctionne. Et non, vraiment, Pixar, là, ces gars-là sont fantastiques. Ils ont des idées tellement géniales puis ils vont tout le temps chercher des... Comme tu dis, des trucs scientifiques ou des gars qui vont venir aider à l'équipe pour faire quelque chose qui sont vraiment basés sur des faits réels, puis ben des faits réels, des hypothèses réelles, puis des manières que ça fonctionne. Puis, J'ai adoré rentrer dans la tête d'autres personnages à la fin du film aussi. Ouais, dans le générique, c'est vraiment drôle. Puis quand on rentre dans la tête du petit jeune à qui elle fait comme une révélation. Le petit joueur de hockey, là, je ne sais pas trop quoi, à l'aréna, là, puis on rentre dans sa tête au gars, puis c'est tellement... Elle fait comme il dit qu'elle fait comme l'embrasser ou je ne sais pas trop quoi, ou quelque chose du genre, puis c'est tellement drôle la réaction qu'on voit dans sa tête. Là, c'est tellement exactement ça. Là. Les filles avec, je trouve ça tellement drôle. À chaque fois qu'elle regarde les femmes qui regardent leur mari, puis c'est comme le mari, il est plate, il ne fait rien, il a l'air insignifiant, puis là, tu vois juste dans la tête la fille qui regarde un portrait ou une vidéo d'un gars, genre... de Cuba qui est comme « Hello, ma douce, viens me rejoindre. » Là. Puis c'est comme le fantasme un peu. Là. Puis je trouve ça vraiment drôle. Là. Et dans les Pixar, mon préféré, ça reste encore Wall-E, moi, personnellement, parce que je trouve que c'est le... Parce que lui, il disait quelque chose sur la société puis qu'il va... ça se réalise de plus en plus, là, tu sais, sur les gens qui sont tout le temps devant leur ordinateur ou devant leur téléphone, puis j'en fais partie aussi. Mais tu sais, comment est-ce qu'on se détache les uns des autres, puis... Puis j'aimais le côté poétique de juste l'histoire d'amour entre Wally et Eve. Mais Inside Out serait probablement mon deuxième préféré. Puis les trois Toy Stories, je mettrais ça en troisième, mais c'est tellement important pour moi que je ne sais pas trop où je les placerais. Là, si c'est moi, les trois après, ensemble, automatique. Ouais, les trois ensemble, avant ou après Inside Out, mais en tout cas, ou bien que c'est cool. Mais en même temps, tu sais, leur filmographie est tellement riche. C'est sûr que c'est difficile. Je dis que Inside Out, c'est mon favori, mais il y en a d'autres que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est juste que Inside Out, je sais pas, il est vraiment, vraiment venu me pogner au bon endroit quand je l'ai écouté, puis que ça me laissait le moton. Puis après plusieurs jours, je pensais encore au film. Puis c'est littéralement un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Là. Même pas besoin de préciser que c'est un film d'animation. Ouais. Ensuite, ben, je vais te laisser aller avec ton deuxième parce que moi, j'en ai pas vraiment d'autres. OK, ben moi, c'est mon dernier et avec retard, mais c'est parce qu'elle vient de sortir. J'ai écouté l'épisode 1 de Better Call Saul. Moi, je suis un gros fan de Breaking Bad. C'est... Moi, je me gêne pas, je l'ai dit tout le temps, c'est la meilleure série télé qu'on a eue depuis des années. C'est vraiment, je l'ai dévoré, je suis prêt à la revoir n'importe quand. Et j'étais intrigué de voir Better Call Saul parce que Saul, je l'aimais dans la série Breaking Bad. C'est un peu le bouffon, plus ou moins, qui est là pour aider, qui rush, qui tente de réparer la marque de tout le monde. Mais tu sais, tout le monde le prend comme un imbécile, ce gars-là. Personne ne le prend au sérieux. Et je m'intriguais. J'étais comme, on peut-tu vraiment construire une série avec ce personnage-là? Est-ce qu'il y a autant de contenu? Est-ce que cet acteur-là a autant de potentiel à tenir notre attention juste sur lui? Et honnêtement, il y en a qui ont trouvé les deux premiers épisodes longs et un peu difficiles à regarder, puis qu'après que la série décollait. Moi, je vais être honnête, j'ai trouvé le premier épisode savoureux. Je l'ai dévoré du début jusqu'à la fin. Dès l'intro du film, on commence avec un magnifique noir et blanc, puis on nous montre un Saul Goodman un peu chauve, alcoolique, qui n'a plus de vie, qui semble démoli, qui fait un travail de merde dans un petit restaurant boboche. Puis après, tu vas juste le voir rentrer à sa maison après sa journée de merde comme l'Américain moyen qui vit sa vie normale puis qui va juste se retaper une cassette de pub de ses anciennes pubs de appeler Saul Goodman. Puis juste là, il y a une émotion incroyable qui se dégage. Tu as juste un plan du visage de l'acteur qui joue Saul, qui regarde ses anciennes pubs, puis tu vois la tristesse, le désespoir, puis toute l'envie de sa vie d'auparavant qui aimait tellement. Et déjà là, je me suis dit, OK, non, cet acteur-là, il y a vraiment de quoi. C'est sûr que ça peut fonctionner. Déjà là, j'étais déjà prêt à embarquer avec ce personnage-là. Et je me disais, cool, l'épisode commence, puis ça se passe après Breaking Bad. Mais après cette intro-là, on en revient en arrière, puis là, on va suivre vraiment le début, le commencement de ce personnage-là, qu'il n'a pas commencé tout de suite comme le grand avocat corrompu, qui a plein de contacts. Non, il a commencé... Il n'a même pas le même nom, en plus. Il n'a même pas le même nom, il a un nom complètement différent. Et moi, j'ai aimé ça, voir c'était quoi son mode de vie au début. Je le trouve super intéressant, c'est drôle. Les jeunes qui va défendre au juge comme premier contrat à 700$, là, la scène est géniale, puis il y a assez de temps de les défendre, puis essayer de justifier, mais l'autre avocat monte une preuve en vidéo cassette, puis c'est malaisant puis drôle en même temps. Mais honnêtement, j'ai juste écouté un épisode, mais j'étais déjà prêt à écouter l'autre. Il y a d'autres personnages qui sont intégrés là-dedans. Il y a deux jeunes qui va frapper par accident en voiture. Je ne veux pas trop dire qu'est-ce qui va arriver avec eux, mais j'adore qu'est-ce qui arrive là-dedans. Il y a comme une espèce de magouille. C'est un peu sa première magouille qui va commencer avec lui, parce que jusque-là, il avait tout le temps essayé d'être honnête, mais il a vu que ça ne marche pas, ça n'aboutit à rien. Puis c'est comme un peu l'élément déclencheur de Saul Goodman va commencer à faire des magouilles, puis ça va juste empirer. Puis tu as un clin d'œil avec un autre personnage de Breaking Bad qui apparaît à la fin de cet épisode-là, que j'ai comme fait OK, non, c'est génial. Non, honnêtement, je ne veux pas trop en dire sur cet épisode-là pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais moi, je suis déjà vendu. En un épisode d'une heure, je suis prêt à embarquer avec ce personnage-là. L'acteur, il est vraiment bon. Je crois qu'on peut vraiment faire de quoi d'intéressant. Puis j'ai pleinement confiance à son créateur. T'sais, il a pas décidé de faire ça pour essayer de faire du cash parce que Breaking Bad, c'était populaire. D'après moi, il y avait déjà un plan défini. Il y avait déjà un univers avec ce personnage-là. Il a décidé de le faire. Puis honnêtement, j'ai hâte de voir la suite des épisodes. Là. Je suis vraiment partant. Là. J'ai trippé solide avec le premier épisode. Moi, je suis convaincu que c'est une très bonne saison, sauf que j'ai regardé l'épisode numéro 1 le lendemain que ça a été diffusé à la TV. Puis sur le coup, je me suis beaucoup emmerdé, mais je ne savais pas quoi m'attendre. Puis la saison n'était pas encore diffusée, évidemment. Puis les commentaires n'étaient pas encore sortis. Plus tard, quand les commentaires sont sortis, puis j'ai lu un peu sur la série, puis tout ça, puis j'ai fait « OK, tu sais, ça... » Tu sais, je sais que Mike, il va revenir, puis tout ça, puis que ça a l'air vraiment intéressant, mais sur le coup, j'ai pas accroché, mais je me souviens de tout ce que tu dis, puis je me souviens très, très bien de l'épisode, il est resté très, très imprégné à ma tête, puis Mais je vais me taper la première saison, c'est sûr qu'éventuellement, je veux rentrer là-dedans. C'est parce que c'est surtout qu'on me... Il y a des personnes qui me l'avaient vraiment vendu comme les deux premiers épisodes, c'était long, mais qu'après c'était vraiment beau, que je devais juste tenir le coup des deux premiers épisodes. Fait que je m'attendais à quelque chose vraiment de difficile à regarder. Puis ça n'a vraiment pas été le cas. T'sais, moi, vraiment, le premier épisode, je l'ai dévoré, puis je ne m'attendais pas à ce que ça soit ça. Puis non, j'ai vraiment aimé ça. Je trouvais que c'était vraiment bon, là. Puis je veux pas comparer puis commencer à dire « Ah, ça va être moins bon ou meilleur que Breaking Bad » parce que je pense que ça va totalement être différent. Là. C'est vraiment quelque chose ailleurs. Même si on va avoir des personnages qui étaient présents dans Breaking Bad, j'ai vraiment l'impression que l'univers de Saul va aller vraiment à l'opposé de ce qu'on voyait avec Walter White puis tout ça. Y a-tu des commentaires par rapport à ça? Je te voyais checker. Non, ben j'écrivais d'autres choses, mais... Oui, c'est ça. J'avais fermé mon micro. Mais y en a-t-il d'autres qui l'ont vu par hasard? On pose la question, parce que pour l'instant, il n'y a personne qui a répondu là-dessus. Mais je ne savais même pas que la série sortait. J'étais allé la semaine passée au HMV. J'étais comme, mon Dieu, il n'y a aucun film de sortie. Puis là, je voyais, ah, Better Call Saul est sorti. Je l'ai tout de suite acheté. Ah, puis t'as bien fait. Je suis sûr que c'était une très bonne saison. Je suis convaincu. Puis, comme je dis, je veux embarquer là-dedans. J'ai vraiment le envie d'embarquer là-dedans. Et, c'est ça. Je me suis pris à MC en plus depuis quelques jours. Fait que un coup, je vais terminer la saison 1. Je me dis peut-être que la saison 2 va commencer pas trop tard. Là. Je sais pas quand est-ce qu'il est supposé jouer. Sûrement en 2016. Là. Mais au moins, je me dis que je vais pouvoir la suivre à mesure. Là. C'est ça. Non, moi, aujourd'hui, j'ai rattrapé mon retard dans Homeland. J'avais 2 épisodes de retard. Puis... J'adore. La 5e saison est vraiment le fun. Je m'attendais pas à ça. Puis, je m'attendais pas à ça. La 4e était vraiment tripante aussi. Là, puis à chaque fois que. À chaque nouvelle saison, j'étais un petit peu nerveux. J'ai peur que ça va dropper, mais c'est tout le temps le fun. Puis ils sont tellement collés sur l'actualité. Ça parle des Syriens, des djihadistes, puis tout ça. Puis, c'est j'écoutais une nouvelle tantôt en soupant, puis là, je fallais que je m'enlève toutes les infos de la tête, les infos de Homeland, puis je me rappelle que, OK, t'as un peu, la réalité, c'est ça, puis Homeland, c'est d'autres choses, parce que là, on parle des mêmes personnes, des mêmes Syriens, puis des mêmes terroristes, on parle de l'État islamique dans Homeland, mais là, on parle pas des mêmes événements, là, tu sais. Non, faut pas... Mais j'aime vraiment ça, cette saison-là, toutes les intrigues, les traites, encore et toujours des traites dans cette histoire-là, on sait jamais qui croire, on sait jamais qui trustait, puis j'aime ça. J'aime tout le parcours de Carrie Mathison, le personnage principal. Depuis la 3e saison, quand il y a un personnage important qui est parti à la fin de la 3e saison, puis on pensait que ça allait dropper, que la série, elle serait terminée là, qu'on ne voyait pas trop comment ça pourrait continuer, mais ça, ils ont vraiment trouvé un bon filon de se coller vraiment très, très près à la réalité. Mais ils le faisaient déjà dans les premières saisons, mais là, de traiter d'événements politiques comme ça. Je trouve, en tout cas, j'adore la 4e, j'adore jusqu'à présent la 5e, puis j'étais accro, là, j'ai fini le plus récent épisode tantôt, puis j'avais tout de suite envie de voir le prochain, puis c'est une série que je devrais binge-watcher, mais je préfère les regarder quand ils passent. C'est une série qui est sur ma longue liste de trucs à regarder. J'ai acheté la saison 1 quand je travaillais encore au Target. Fait que ça fait quand même déjà un bon moment. Mais je suis rendu pas si pire des séries que je commence à en écouter puis à plus donner du temps. Là, surtout avec Better Call Saul, j'avais juste envie de regarder ça hier. Puis ça me dérangeait même pas de regarder de films. Souvent, je me sens mal parce que je veux me rattraper d'un film, surtout que le top 10 s'en vient de l'année, puis on voulait faire une vidéo, un concept, puis j'essaie de voir le plus de trucs possible pour pas me dire à la fin de l'année, j'en ai oublié ou de regretter. Quoique pour le moment, la liste est tellement bonne, il y a tellement de choix que j'ai plus besoin de rien regarder, puis j'ai déjà de la misère à essayer de me faire un top 10 de tout ce que j'ai vraiment préféré. Mais non, Homeland, je compte vraiment le regarder ça aussi. Luigi te demande, t'es rendu où dans Walking Dead? Tout le monde se fout de ma gueule à chaque fois que je dis où je suis rendu, là. Mais je vais le dire. Et attention, spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas encore écouté la saison 3, mais je ne penserais pas, là, la plupart des fans l'ont vu. Je suis rendu à l'épisode après que la femme de Rick soit décédée et qu'elle ait donné naissance au bébé. Puis c'est con que j'ai pas continué, je comprends pas, parce qu'à la fin de cet épisode-là, j'étais comme « Oh my God! » J'étais juste chamboulé, j'étais comme « C'est tellement bon! » Mais à date, la saison 3, est vraiment, c'est vraiment la meilleure. Là. En 4 épisodes, il n'y a pas un moment de dole de, dans tous ces 4 épisodes-là. Excuse-moi, j'étais en train de taper. Par contre, je veux dire de quoi? Je l'ai pas vraiment mentionné, là, mais j'ai pris un MC parce que je voulais commencer la nouvelle série Into the Badlands, qui est un espèce de mélange entre un peu un univers à la Mad Max, sans que ce soit désertique forcément, mais plus apocalyptique, et le côté art martial du cinéma HK avec beaucoup de références, beaucoup de clins d'œil. L'équipe derrière ça est monstrueuse. Là, celui qui s'occupe des chorégraphies, celui qui s'occupe de la réalisation pour les scènes d'action, c'est vraiment top-notch. C'est du A+. Et les scènes d'action de la série, en tout cas, le premier épisode que j'ai écouté, sont incroyables. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi de qualité. Puis c'est parmi les deux meilleures scènes d'action de combat que j'ai vues cette année. Si vous êtes amateur de ça, regardez l'épisode 1 juste pour ça déjà en partant. Niveau scénario, c'est difficile à dire. Ça a l'air très classique. Comme je dis, ça se passe dans un monde apocalyptique et où que dans cet univers-là, les barons sont un peu comme les maîtres de la place des barons. Puis c'est drôle, la place où que ça vit puis les personnages qu'on va découvrir, j'avais l'impression d'être dans Django Unchained, le style de maison avec des genres d'esclaves, ces trucs-là. Je trouve que c'est intéressant. Il y a un casting intéressant aussi que je pourrais pas dire les noms. J'ai complètement oublié. C'est pas des acteurs que je connais le nom, mais de visage, tu le vois, tu es comme « oui, lui, je le connais ». Fait que niveau scénario, c'est difficile à dire si cette série-là va être popée, mais niveau action, c'est vraiment génial. Mais c'est pas là où je vais en venir. J'ai adoré pareil le premier épisode, mais ils ont mis cet épisode-là après Walking Dead, le nouvel épisode qui joue à chaque dimanche. Et d'habitude, après Walking Dead, c'est Talking Dead, ou que c'est un gars qui parle de l'épisode avec les gens qui l'ont écouté via Twitter, peu importe le numéro de téléphone. Là, ils ont décidé de mettre Into the Badlands entre ça et Talking Dead pour sans doute essayer d'avoir un peu plus d'auditoire vu que les fans de Walking Dead sont là, ces choses-là. Ça a marché. Ça a marché parce que la série a eu le meilleur démarrage. Peut-être que ça va changer pour les prochaines semaines, par contre. Mais là où je veux en venir, c'est que le fan base des Walking Dead sont vraiment désagréables en tabarnak. Parce que après, je suis allé voir sur Facebook les commentaires, tout par rapport sur les affiches de Into the Badlands. C'est juste 200 et plus commentaires de monde qui font juste crier après AMC, dire qu'AMC, c'est des trous de cul d'avoir mis ça, d'avoir brisé leur routine, d'écouter Talking Dead suite après Walking Dead. Et ce qui revenait le plus, c'est que le monde disait « À cause de vous, on est obligé de se taper votre nouvelle série de marde juste pour voir les 20 secondes, les 28 secondes qu'on veut voir du prochain épisode. » Je revenais pas, puis vraiment, le monde était méchant, puis il disait des trucs, puis j'étais comme « Vraiment, asti, c'est comme, vous n'êtes pas obligé de l'écouter, la colique d'émission, c'est 1 heure, vous avez juste à la skipper, faites autre chose, puis revenez écouter Talking Dead après. » Mais ce qui me faisait encore plus rager, c'est comme « T'es-tu vraiment obligé de voir 28 secondes du prochain épisode que tu vas écouter de toute manière la semaine prochaine? C'est si important que ça, ces 28 secondes-là, au point que ça fasse autant de merde. Puis là, je voyais toutes les fanbases qui disaient ça. Puis en plus, ils disaient des trucs qui faisaient aucun sens, sans vouloir y aller d'un spoiler, parce que de toute manière, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment que Glenn est décédé. Puis là, je voyais juste des commentaires. « Est-ce-tu dans l'AMC, ramenez Glenn, sinon je boycotte l'émission. » Puis je suis comme... AMC n'est pas responsable des scénarios de Walking Dead. C'est les scénaristes de Walking Dead. Puis, veut pas, là, Walking Dead, c'est pas surprenant. Les personnages meurent sans qu'on s'y attende. C'est ça, Walking Dead. Il y a des personnages importants que tout d'un coup, ils vont mourir. Ça fait chier. On ne sait pas s'il est mort. Mais c'est ça. On sait pas si. Garde espoir. On sait pas si Glenn est mort, mais je comprends pas pourquoi le monde font des menaces à AMC comme si c'était obligatoire de jamais faire mourir Glenn. Une série, c'est ça. Je veux dire, c'est là pour offrir des surprises puis des moments difficiles. Puis si Glenn est mort, Glenn est mort. Mais tout ça pour dire que j'ai trouvé les fans de Walking Dead crissement désagréables de bâcher sur la nouvelle série juste pour ça puis de commencer à donner foutre de merde un peu partout. Puis je voyais le monde qui écrivait puis qui était là. Come on, guys, c'est juste 28 secondes, puis au pire, vous avez juste à skipper l'épisode si vous voulez pas écouter la nouvelle série. C'est pas plus grave que ça, là. C'est pas la fin du monde. Le monde, c'est des gros bébés. Des gros bébés. Les estis de fanboys, c'est tout le temps les pires. Là. Ça n'a aucun bon sens. Des fois, il ne faut pas trop se lancer dans les commentaires parce que ça finit plus. Ben moi, j'ai failli marquer de quoi, là, mais je me suis abstenu parce que je me suis dit, mon Dieu, je vais avoir toutes les fanbases après moi. Fait que c'est comme, non, gars. J'ai juste marqué. En tout cas, MC, continuez votre travail. Moi, j'ai adoré le premier épisode. Je trouve que c'est une série quand même qui a du potentiel. Puis je suis autant content d'écouter Walking Dead que celle-là. Là. Parce que souvent, quand je vais écouter quelque chose, je vais aller là, les forums de discussion sur IMDb, puis je suis comme, calé, ça m'a amené, là. Faut pas que je rentre là-dedans, parce que je commande c'est... jamais, là, tu sais, mais c'est... Je commence c'est à lire frustrant. Ça, tu finis plus, là. C'est aussi frustrant. Ça équivaut... Les commentaires sont aussi stupides que... Je veux pas rentrer là-dedans, parce que ça non plus, on n'en finira plus. Mais que les débats depuis l'attaque à Paris, là. Depuis la journée d'après qu'il y a eu l'attaque à Paris, là. Tout ce qui est sur Facebook, sur YouTube, peu importe, tous les sujets, c'est dégueulasse. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ça bouffe mon énergie. Mais en termes de racisme, là, on vient de monter d'un level incroyable en termes d'humanité. Puis le monde, à quel point sont dégueulasses. Puis... Oh! Ben, moi, je pense qu'il faudrait mettre la priorité sur l'éducation. C'est ce que je me dis, là, tu sais, que le monde... Ils sont mal éduqués. Qui arrêtent de s'informer sur Facebook ou à TVA ou de fait de même, tu sais, qui sortent un peu, qui parlent à des musulmans, qui parlent à du monde. Arrêtez avec les stéréotypes que les immigrants, c'est tous des estis de terroristes. Non, ben c'est ça, je dis, je voulais pas embarquer là-dedans, mais. Il est où, Glenn? Il est mort! Il est mort! Ben, David Michaud disait que Glenn, il meurt dans la BD en plus. Spoiler, il marque spoiler. Puis, mais encore là, on ne peut pas se fier à ça parce que la série ne suit vraiment plus la BD. Là. Il dit « Je spoil rarement, mais celui-là me fait mourir de rire quand les gens pleurent sa mort. » Puis il dit « Il meurt violemment en plus. » Ah ouais, hey boy, ça doit être difficile de voir. Puis Luigi dit « Anyway, selon la BD, tout le monde meurt, sauf Rick ou son fils, je pense. » Hey, c'est un spoiler. C'est... Non, chérie, je ne commencerai pas à mettre mes... Tes sous-verts. Mes sous-verts qui se collent après le nez puis ça me fait une belle bouche. Là. Ben, j'ai déjà fait une vidéo de monde, je suis allé voir une vidéo. C'est vrai. Sako, en gros, il aimait bien gros les interventions de Chantal. Ouais. Bonne nuit, Chantal. Bonne nuit, Chantal. Ah non, il ne faut pas commencer. Là, sur... Non, c'est ça, je ne veux pas embarquer là-dedans parce que... Puis c'est con, mais tu regardes là, puis pratiquement plein de mes contacts français ont dû faire un ménage de leur liste d'amis Facebook à quel point ils sont... désagréable et dégueulasse. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai pas osé, j'ai rien partagé sur ma page pratiquement. J'ai rien écrit de statut par rapport à ça parce que tu regardes tout, que ce soit Sylvain Desmentis ou d'autres mondes qui pourraient mettre de quoi. Je vois les débats, puis moi, ça me décourage. J'ai pas envie de me battre avec du monde incompétent qui manque de culture, qui manque d'éducation pour comprendre la situation. Fait que moi, j'ai juste mis une vidéo que je trouve poignante puis qui dit qu'est-ce que je pense. Puis c'est la vidéo qui a été mise en février, il y a plusieurs mois, du gars musulman qui a mis une pancarte en face de lui qui dit qu'on me traite comme un terroriste, mais je suis pas comme ça, je vous fais confiance. Il a mis un bandeau, puis c'est comme si vous me faites confiance, faites-moi un câlin. Tu sais, t'as plein de gens qui vont y faire des câlins, puis je trouve ça génial, c'est une belle mentalité humaine. Puis moi, c'est ça que je pense de la situation en ce moment. Moi, je veux les aider, les réfugiés et tout ça, puis ils méritent d'être aidés. Crime, c'est du monde qui sauve des putains de terroristes qui viennent faire la merde, qui est arrivée à Paris. Vous voulez qu'on les laisse là-bas et qu'ils crèvent? Ah oui, je suis sûr que la mère avec ses enfants, tout, c'est des terroristes qui se préparent à venir nous bombarder. T'sais. Come on, les gars! Si on les aide pas, ils vont mourir là-bas. C'est ça qui va arriver. Ouais, je suis d'accord. Oui, je dérape puis j'arrête parce que je suis en train de pomper puis c'est supposé être un temps montre le fun. Alors, j'ai rentré aussi dans certaines discussions sur Facebook, mais en gros, c'est ça. Il faudrait que le monde arrête de se fier à tout ce qu'il voit sur Facebook aussi. Là. Les médias. Lâcher les médias. Puis qu'il arrête de jouer la game des terroristes en haïssant le c'est ça, en se laissant aller à la haine puis le racisme. Là, c'est ça que les terroristes veulent, de toute façon. Au lieu qu'on soit tous unis. Musulmans, tu sais. Il veut juste qu'on soit tous séparés, qu'on soit faibles en étant séparés, au lieu qu'on soit vraiment tous unis contre eux. C'est juste ça, puis ça marche. En ce moment, le monde embarque comme ça, pas d'allure. Là. Moi, chez nous, dans ma ville ici, on a eu... ben, ça a fait le tour du monde. On a eu... on a une mosquée dans la ville, puis elle a été incendiée samedi soir. Oui, j'ai vu ça, malheureusement. C'est... Mais dans les jours qui ont suivi, tout le lendemain, il y a eu une campagne de financement qui a été lancée pour aider la reconstruction. Ben, la reconstruction, c'est des réparations, en fait, parce que de l'extérieur, elle est correcte. Je suis passé en face autrefois pour aller voir, puis ils ont ramassé au-dessus de 100 000 ou 110 000, je pense. Les travaux vont coûter 80 000, puis ils ont ramassé plus que ça, fait que c'est vraiment cool. Que les gens aient... Ouais, non, c'est vrai, non, je trouve ça vraiment bien. En fait, on va lâcher ça parce que si on a des gens qui sont contre les réfugiés qui nous écoutent et qui ont l'habitude de nous écouter, je ne veux pas nous les mettre à dos non plus. En même temps, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis vraiment pour qu'on reçoive du monde, qu'on reçoive des réfugiés qui se sauvent de la guerre et qui ont besoin d'une place paisible pour vivre. T'sais. Moi, je suis pour ça. Puis moi, ma philosophie, je l'ai souvent dit sur Facebook les derniers jours, c'est vivre et laisser vivre. T'sais. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire que ces gens-là soient, mettons, d'une autre religion, d'une autre couleur, ou peu importe, puis qu'ils viennent ici, t'sais, on s'en fout un peu, là. De toute façon, la plupart des mauvaises choses qui arrivent au Canada, au Québec, peu importe, là, c'est même pas des immigrants, c'est des Québécois qui font le plus de mal la plupart du temps, que ce soit des tueries dans les écoles, tous les crimes souvent qu'il y a, souvent, c'est juste des Québécois stupides, fait que c'est quoi, là, je veux dire, nous autres, on est plus mieux, on est plus correct. Je veux dire, du monde fucké, qui ont des problèmes, qui font des choses mauvaises, là, c'est pas une question de race ou de notre religion, c'est juste la personne est faite de même. Mm-hmm. Faut voir ça de cette manière. Là. David écrivait, il dit, j'ai une personne qui m'en a vraiment parlé et qui est contre l'acceptation des réfugiés, puis une qui est pour. Puis dit que quand je les ai linkés ensemble, la guerre a pogné. Non, puis ça fait une guerre. Il n'y en a aucun qui ne sont pas capables d'avoir une discussion intelligente, d'essayer de débattre correctement. C'est comme, je ne suis pas d'accord avec toi, je vais t'expliquer pourquoi. Puis non, c'est tout le temps juste la guerre. Puis c'est comme. Puis il rajoute David, il dit, les terroristes jouent sur un instinct primaire, quoique défaillant selon moi, celui de préservation et de survie de l'individu. Fait que c'est ça, là, on peut changer de sujet. Là, oui, bonne mais idée, je suis content que c'est une coïncidence, puis c'est une malheureuse coïncidence, mais je suis content que le prochain épisode régulier qu'on fait jeudi soir, on parle du jour où la Terre s'arrêta. Quand tu vas voir le film, tu vas comprendre. Ouais. Ben, okay. t'as déjà vu le remake, mais... Je vois un peu où c'est souvent venu, puis c'est un film d'actualité, si on peut dire. Ouais, je trouve. Je l'ai revu dimanche qui vient de passer, puis j'étais vraiment content de le voir deux jours après les attentats. Sinon, t'avais-tu d'autres choses? Non, pas vraiment. C'est ça, j'ai rattrapé un peu mes séries télévisées. Là. J'ai écouté les deux plus récents épisodes de Nashville, qui est mon gros soap, mais j'ai tout le temps du fun à regarder ça. Puis il y a l'actrice principale de Jem et les Hologrammes là-dedans, puis elle a fait une petite belle chanson dans le plus récent épisode, super touchante. Là. Son amoureux dans la série est décédé, puis gros spoiler, là, en tout cas. Pour ceux ça, qui sont étaient... tellement devenu fan d'elle, là. T'arrêtes pas d'écouter sa musique. Là, j'étais déjà fan d'elle, mais ouais. Mais c'est ça. C'est Nashville, c'est un gros soap le fun. Sinon, non, j'ai rien de spécial. Là. Je continue à regarder les autres séries. Genre, j'ai fini, je pense pas que ça intéresse tant de monde qui nous écoute, mais j'ai fini Downton Abbey. Il me reste un épisode de Noël, un spécial de Noël, puis après ça, ça va être la série, va être terminée. Puis j'ai beaucoup aimé la dernière saison, puis qui focus vraiment plus sur la famille, puis pas des personnages secondaires comme ça arrivait souvent. Puis j'ai eu du fun tout le long, puis je pense que ça va bien finir sur une bonne note. Là, je suis très curieux de voir ce qui va arriver avec certains personnages, mais c'est ça. En gros, j'ai beaucoup apprécié la dernière saison, puis il y a toujours un spécial de Noël, puis ça va. Cette année, il va servir de dernier épisode de la série. Fait que je suis curieux de voir de quoi ça va avoir l'air. Puis, c'est ça, Supergirl. J'ai pas encore écouté l'épisode qui est passé hier. Ça me choque un peu parce qu'ils ont bousculé l'ordre des épisodes à cause des attentats de Paris. Puis, parce que l'épisode qui devait être passé hier, c'était un épisode dans lequel il y avait des explosions dans la ville de National City où l'action se passe. Puis, je pense qu'ils vont le diffuser la semaine prochaine. Je pense qu'ils ont juste inverser l'ordre de diffusion, puis ça m'écœure parce qu'il n'y avait pas besoin de faire ça. C'est drôle, ils ont fait de temps en temps, mais... C'est drôle quand tu repenses, parce qu'il est arrivé la même chose avec le premier Spider-Man avec les attentats, qui est supposé avoir une scène avec les deux tours, puis ils l'ont enlevé complètement. Ouais, puis elle était dans la première bande-annonce, puis on peut la voir sur YouTube, cette bande-annonce-là. Ouais. Mais non, ça m'écœure parce que, tu sais, si jamais... je n'ai pas encore vu l'épisode d'hier, mais si la... si l'histoire se... Dans les trois premiers épisodes, l'histoire se suit quand même. Je veux dire, je voudrais pas... je trouve ça plate, juste au point de vue de l'histoire, au point de vue scénaristique, qu'on saute une... Ouais, non, je suis d'accord. Ça... Peut-être que ça peut rien changer, mais ça peut être plate car c'est pas dans l'ordre. C'est pas nécessairement des Monster of the Week comme X-Files, là, tu sais. Mm-hmm. En tout cas. Moi, quelque chose que j'ai trouvé fun et triste, parce que j'avais fait une chasse au VHS la semaine passée ou l'autre semaine. J'arrêtais pas de faire des friperies à trouver des vieilles VHS, puis j'en ai trouvé plein à 25 cents, là. J'ai vraiment trippé. Puis j'ai trouvé la deuxième cassette de Michel Courtemanche qui me manquait, parce que j'en avais déjà une depuis que j'étais jeune, j'écoutais tout le temps. Puis là, je l'ai réécouté pour la fun en soirée. Et il est tellement talentueux, Michel Courtemanche. J'aime, tu sais, ça date de 1990, mais j'écoutais ça, puis moi, j'adore beaucoup les sketchs, puis l'humour, c'est non-verbal, puis c'est très physique, il y a des numéros de mime, façon de parler, ou qui fait beaucoup de bruit avec sa bouche, puis il fait des numéros de claquettes, peu importe. Mais je trouve vraiment drôle, puis ce gars-là avait vraiment une construction faciale très unique et très expressif. Il peut faire des sourires qui semblent sortir d'un cartoon, vraiment de manière unique. Puis je trouve ça me rendait triste en même temps, parce que j'étais comme... Aujourd'hui, il y aurait encore une belle carrière. Je suis persuadé s'il n'y aurait pas arrivé toute la dépression et les problèmes psychologiques qu'il y a eu par la suite. Puis je trouvais ça plate parce que j'avais beaucoup de plaisir à le revoir. Puis je l'aimais beaucoup jeune. Puis j'avais vu à un moment donné une émission. Puis il avait passé à cette émission-là. Puis il parlait comment c'était sa vie par la suite. Pourquoi il n'avait pas recommencé à faire des shows. Puis de temps en temps, il jouait un petit personnage dans un film, de quoi de même, mais rien de très, très gros. Puis. C'est quand même assez triste, son histoire, puis j'avais trouvé ça vraiment dommage, mais je voulais juste dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir Michel Courtemanche, puis j'étais un fan de Michel Courtemanche, finalement, puis je me demande s'il y a encore plein de fans de Michel Courtemanche de nos jours, fait que s'il y en a qui nous écoutent qui sont fans de Michel Courtemanche, criez-le, Michel Courtemanche! Non, c'est un gars très, très talentueux. C'est pas de sa faute ce qui est arrivé, fait que... Non, mais c'est ça, c'est quelque chose que t'es impuissant. Il est bipolaire, je pense, en premier. Je pense qu'il Oui, je pense que oui. Il est dépressif. En tout cas, ben, ça fait partie de la bipolarité, je crois, d'avoir des périodes dépressives. Puis, tu sais, je pense que lui, ça a été assez intense là, dans son cas. Oui, surtout que c'est arrivé durant un numéro. Fait que pendant qu'il était sur stage, ça a vraiment fait flou. Puis. Je me rappelle plus exactement c'était quoi. Je ne sais plus s'il était juste parti à broyer ou s'il est tombé à terre, je ne sais plus. Mais je sais que ça avait vraiment fait de quoi de gros. Sylvain, salut Sylvain. Sylvain Desmenti nous disait que par rapport à l'affaire de l'épisode de Supergirl qu'ils ont déplacé, il dit « C'est passé la même chose avec l'épisode de Melrose Place où Kimberly fait exploser la place. » Il dit « Je dis ça de même. » Puis Sako Mongro nous demandait, il t'a demandé à toi, Steven, il dit votre top 10 de l'année 2015 ou juste des films que vous avez écoutés, peu importe l'année? Tantôt, tu parlais de notre top 10 qu'on va faire. Que tu veux faire? Les meilleurs films de 2015. Là. Ouais. Puis. J'en fais un à chaque année. Fait que je fais tout le temps plus un top 15 qu'un top 10. Là, mais le classique, là, comme tout le monde fait là, dans tous les podcasts ou dans tous les sites de cinéma. Là. Sinon, moi, j'ai plus grand-chose à parler, en fait. Non, moi, j'ai plus rien. Je pense qu'on a quand même... on a eu quand même pas mal de sujets intéressants, même si... je voulais pas forcément embarquer dans le racisme puis le truc d'attentat, mais veux pas, j'avais envie d'en parler un peu parce que... Ouais, ça me tient à cœur pareil. Là. Ça me tient à cœur, puis je n'ai pas beaucoup parlé sur Facebook, puis j'avais juste pas envie que les gens pensent que c'est quelque chose qui me laissait différent parce que c'est juste facile de foutre les couleurs sur ta photo de profil pour faire croire que c'est un sujet qui te tient à cœur, mais je suis sûr qu'il y en a bien qui l'ont fait et qui s'en foutent ou qui ne savent peut-être même pas la signification de ça. Mais non, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, puis j'avais juste envie d'en parler, puisque je savais qu'avec toi, tu n'allais pas répliquer, puis qu'il n'y a pas d'autre monde qui allait nous écrire des commentaires de haine, puis partir dans un gros débat haineux, parce que c'est juste ça que je vois depuis les jours qui viennent de suivre. Puis ça, honnêtement, ça bouffe mon énergie, j'haïs ça, parce que je prends la peine d'aider, puis. Je continue, c'est con. Là. Non, puis je te garantis qu'on n'a pas eu sur le chat à soir. Ah, non, je m'en doute. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Merde, j'ai oublié. Non, mais la question va sûrement revenir de toute façon sur la table quand on va faire l'épisode de jeudi soir. Un petit peu, là, tu sais, on essaiera pas trop rentrer là-dedans non plus. Là, mais... Non. Non, mais ça va créer une discussion intéressante, là. Je suis certain. Là. Ah, Chantal va partir là-dedans de toute manière. Je la connais. Quelque chose. Ah oui, non, j'ai vu la bande-annonce avant James Bond. J'ai vu la bande-annonce de Concussion, nouveau film avec Will Smith. Puis plusieurs autres bons acteurs. Il y a Alec Baldwin, il y a Albert Brooks, il y a d'autres bons acteurs dans bande-annonce. Puis ça a l'air. Ben, c'est l'histoire, je la connais pas, j'ai pas lu le résumé, mais d'après ce que j'ai vu de la bande-annonce, c'est une histoire vraie d'un docteur. Je crois qu'il est africain parce qu'on voit Will Smith jouer avec un accent. Africain. Je ne peux pas dire exactement d'où, de quel endroit, mais c'est ça, c'est l'histoire d'un docteur qui aurait réussi à sauver des vies parce qu'il aurait compris parce qu'il y avait des problèmes chez les footballeurs où plusieurs footballeurs soit devenaient troublés, qui finissaient par commettre des suicides, des trucs comme ça, puis il a fini par trouver la raison, c'était à cause des commotions qu'ils avaient, commotions cérébrales, tout ça, puis je ne sais pas exactement qu'est-ce qui fait le docteur, c'est quoi sa grande découverte, mais apparemment qu'il a changé les choses, puis le film tourne autour de lui, puis ça a vraiment l'air d'être un film intéressant, selon moi. Je pense que j'en ai entendu parler, je crois que tu parles de réalisateur de En souvenir des Titans, avec Denzel Washington. Ah, ok, non, ça, je savais pas. Sûr, là, mais en tout cas, ça me dit quelque chose. Je pense ça a l'air d'un film qui est fait pour les Oscars, là, c'est une performance digne de ça, mais j'aime bien Will Smith quand il fait des films sérieux, quand il se force un peu... j'ai jamais vu Ali, mais j'ai déjà vu The Pursuit of Happiness. Ouais. Puis j'avais adoré ce film-là, ça m'avait fait broyer à la fin, puis j'adorais sa performance. Là, fait que je pense que Concussion me fait. La bande-annonce me dit que ça va être un peu dans ce mood-là, un peu là, de film. Peut-être. C'est pas exactement pareil, mais ça va être un peu dans ce style film oscarisé, probablement. Là, dans un autre genre, j'ai vu la bande-annonce du nouveau film avec Seth Rogen, The Night Before, film de Noël, puis j'ai ri tout le long de la bande-annonce, puis j'ai pas vu The Interview. Quand le film a été leaké, quand il a été retiré des écrans, tout ça, puis après ça, il était amené chez Netflix, je l'ai pas vu parce que les critiques étaient super mauvaises, mais je me rappelle très très bien d'avoir vu la bande-annonce au cinéma. Puis j'avais ri là, de la bande-annonce, puis j'avais hâte de voir le film. Puis après ça, ben, il y a eu tout arrivé de la vie avec le problème de Sony, puis les emails, puis tout ça. Puis finalement, j'ai jamais vu d'interview. Mais je suis très curieux de voir ce nouveau film-là. Puis je pense que je vais regarder finalement des interviews parce que la bande-annonce m'avait fait rire. Puis même malgré toutes les mauvaises critiques, je suis quand même curieux. OK, moi, je l'ai vu par moi-même parce que Chantal voulait le voir. Fait que je te dis, c'est sûr, c'est mieux de te faire ta propre opinion, mais honnêtement, moi, c'était un des pires films que j'ai vu cette année, ça, ouais, c'est 2015? Ouais, c'était à la fin 2014 qu'il devait sortir, là, c'était à Noël. Ouais, ben, OK, ben, c'est, en tout cas, c'est un des pires films que j'avais vu au moment que j'avais regardé. J'ai vraiment pas aimé ça. Non. Je comprends même pas le buzz qu'il y a eu alentour de ça. Le film vaut même pas la peine d'avoir eu toute cette... Ben, en fait, c'est quoi? Je pense que c'est juste une tactique de Sony d'essayer de faire de la grosse pub au film pour qu'il marche. Moi, j'ai l'impression que c'était ça. Coup de marketing. Je sais pas, mais moi, j'ai adoré This is the End. Puis comme la bande-annonce le dit, c'est des mêmes créateurs que This is the End. Puis Interview. Puis l'autre film qu'il nomme, c'est Neighbors, que j'ai pas vu. C'est correct. Ouais. Ouais, c'est sympathique. Là. C'est du déjà vu. C'est quand même drôle sur le coup quand tu l'écoutes. OK. Bon, je vais aller regarder juste pour le fun. En tout cas, le nouveau film, la bande-annonce, le Night Before, m'a vraiment beaucoup fait rire. Ça m'intéresse. T'as un des personnages qui tombe quand il poursuit quelqu'un qui met des bonbons de quoi à terre, puis il glisse dessus, puis l'autre qui est comme « Ah, il t'a fait un Home Alone! » je me souviens pas de cette passe-là dans la bande-annonce. Ah, ben, je sais pas, à la télévision, il y a des TV spots qui passent, puis c'est tout le temps celui-là que je vois, fait non, je l'ai vu une fois au cinéma, la bande-annonce, avant James Bond, puis je l'ai revu hier sur YouTube, puis elle était un petit peu différente. OK. Sinon, parce que ça, là, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Ça fait déjà 2 heures, notre épisode. Ouais. Fait qu'on va... T'aurais-tu une chanson qu'on pourrait mettre à la fin dans la version audio? Je pourrais mettre la toune de Spectre, peut-être. Ben non, fais plaisir à Sylvain, puis mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Non, merci. Non. Sexy me. Mi, mi, mi, mi. Non, ça... mets la toune à James Bond, c'est mieux. Ouais, ça va être ça. Bon, fait que merci à tout le monde d'avoir été sur le chat puis de nous avoir écoutés, puis ceux qui vont nous écouter aussi en différé. On va enregistrer jeudi, dans deux jours, donc, notre épisode sur The Day the Earth Stood Still de 1951 versus Master of the Universe avec Dolph Lundgren. Puis on va avoir... Puis on va avoir deux invités avec un E. Et ça devrait être le fun. Puis ben c'est ça. Fait qu'on se revoit là. Je devrais le mettre en ligne, l'épisode régulier, vendredi, je pense, si tout va bien. Fait que d'ici là, continuez à regarder des bons puis même des moins bons films. Puis amusez-vous. Puis amuse-toi aussi, toi, Steven. Je m'amuse tout le temps, moi. Avec ta belle calotte de Merry Christmas. Eh oui, Christmas vacation. Yeah. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. Feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. Stars begin to gather and the light begins to fade. When all hope begins to shatter, know that I will be I want